dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 45. Et on est content. Je suis bien évidemment entouré et accompagné de Riley, Finn et de Clément. Comment ça va? Salut. Bonsoir, mais ça va, on est prêt. Impeccable. Et ce soir nous avons une invitée, nous sommes accompagnés d'Aurélie. Comment vas-tu Aurélie? Très bien. Merci beaucoup. Salut Aurélie. Merci. Salut. D'être venue, de participer à notre podcast. Tu es metteur en scène de oui. théâtre et directrice artistique de la compagnie Sans Édulcorant. Tout à fait. Et évidemment tu es fan de Buffy. Je suis une fan absolue de Buffy. Et surtout ce soir, tu es notre invitée parce que tu es une experte internationale en marionnettes, hein, c'est bien ça? Peut-être pas internationale, mais disons que je m'y connais un petit peu, oui. Tu nous expliqueras ça après l'épisode qu'on va commenter, parce qu'on va commenter un épisode qui parle de marionnettes, justement. Riley, de quoi on va parler d'autre dans ce podcast? Le petit pitch. Quel est le sommaire? C'est le sommaire, c'est pas le pitch. Le sommaire. Ça fait longtemps, hein, Claire. Ça fait longtemps que je suis rouillé. Donc on va faire la rubrique des gros bisous, on va laisser Big M nous faire la rubrique actu en direct de l'Est. Ensuite on commentera l'épisode The Puppet Show, donc qui est le 9e épisode de la première saison de Buffy. Ensuite on fera la rubrique de l'invité, donc avec toi Aurélie, et ensuite ce sera les Si t'aimes Buffy tu vas aimer ça, où on parle de nos coups de cœur en rapport avec Buffy évidemment. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à juste valeur. Si. Le podcast existe un peu partout sur internet, dites-nous s'il n'est pas sur votre application de podcast préférée. On est aussi en vidéo sur Dailymotion, et pour retrouver tous les liens, il y a notre blog pourquoibuffycestgenial.wordpress.com tout attaché. Et vous pouvez aussi également nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show et groupe13.fr. Je crois qu'on va passer à la rubrique des gros bisous, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Si on suit le conducteur, oui. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her, yeah, and raise you a, yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Donc les gros bisous, on va commencer avec les gros bisous aux copains qui nous ont mis 5 étoiles Apple Podcast. C'est une excellente idée, accompagnée d'un Merci. Petit commentaire. Donc on fait un gros bisou à Andrea, à Camille et à Miss Lune. Miss Lune qui nous a découvert grâce à Geek en série. Et donc ça permet de faire un gros bisou par répercussion à James et Faye qu'on embrasse. Et gros bisou également à Anne-Laure et à Mélanie et à Jean-François aussi pour leur sympathique message via les réseaux sociaux. Merci, gros bisous. Est-ce que vous avez des gros bisous, Riley, peut-être? On fait des gros bisous à tous les fans de Buffy qu'on a revus à l'occasion de la CloudsCon il y a 15 jours. Hein, et ça fait pas mal de gros bisous. Il y a 15 jours, je crois. Et on a rencontré donc les acteurs de la série, quoi, avec 150 fans. Il y avait combien de personnes, à ton avis, Clément? 150, moi, je dirais. Non, mais sans blague, je dirais 150. Il y avait un monde dingue, en tout cas, pour les C'était acteurs. C'était plus que ça, les gars, même. Non? Ah oui? Sur les deux. Il faudra qu'on réécoute les bandes, parce qu'on a enregistré plein de trucs. On était sur le coup. Donc on était tous les trois à la CloudsCon, il y avait Big M évidemment qui était là, Big M, toujours incroyable. Il y avait Fabrice, donc Nico, j'ai noté des noms, attends, j'ai pas noté de noms, mais tous les gens qu'on a vu. Tous les gens qu'on a croisés là-bas, des gros évidemment, bisous. Des gros bisous. Gros bisous à Agathe qui nous a permis de faire une photo, souviens-toi que avec Big M justement on a fait une photo avec tous les acteurs de la série qui étaient présents. Merci Agathe, un gros bisou. Et je fais aussi un dernier gros bisou à Grosjord avec qui je fais du jeu de rôle en ligne et qui s'est lancé dans Buffy, qui écoute en même temps c'est les podcasts, donc il fait plaisir. Donc peut-être qu'il entendra ce gros bisou. Un gros bisou à Seb qu'on a croisé, que j'ai croisé à CloudsCon et qui est venu me voir en disant le podcast c'est vachement cool et tout. Ouais, merci beaucoup Seb, voilà un gros bisou, ça m'a fait super plaisir donc je le dis. T'es sûr que c'est Seb? C'est ça ouais, de Toulouse. Un gros bisou à Maxime donc. Mais non, non, c'était pas Maxime. Non. Je crois que c'est Seb. Aussi à Maxime, j'ai un doute. À l'occasion. Et un gros bisou à Maxime. On embrasse très fort Seb et Maxime. Aurélie, est-ce que tu avais des gros bisous à faire? J'ai un gros bisou à faire à ma fille à qui j'ai fait découvrir Buffy et qui a adoré. Bien joué, bien joué. Il n'y a qu'un seul épisode que j'ai refusé de lui montrer, c'est Les Hommes Poissons. Parce qu'il était trop mauvais. C'est parce qu'à la fois parce qu'il pouvait à la fois faire peur à cause de ce que ça pouvait induire sur qu'est-ce qu'il y a dans la mer, et en même temps, et en même temps parce que je le trouvais quand même très très nul. D'accord. C'est deux bonnes raisons. Hein. Okay. Alors attends, Big Game me confirme que c'est Maxime. Alors désolé. Liquid nous dit c'est William. C'est William. Bon, bah, c'est William, les gars, mais ça me touche. C'est ce qu'il y a écrit. Hein. Gros bisous. Tu veux tes lunettes? Gros bisous. Tous ces gens qu'on a rencontrés. Tout de suite, la rubrique actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here, quick photo, please. Please, shot. Another one. What's the prophecy? Five people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Rubrique Actu, donc comme vous le savez maintenant, toutes les semaines, enfin tout, à chaque fois qu'on enregistre un podcast, Big M, notre quatrième mousquetaire, nous enregistre une chronique qui nous parle de l'actualité de Buffyverse, l'actualité des comédiens. De la série, de plein de choses qui vont vous passionner. Et c'est tout de suite, et c'est maintenant, et on en parle après. Salut, salut, je suis Big M et bienvenue dans la rubrique Actu. Je vous en ai parlé un peu la dernière fois, la ville de Paris accueille actuellement une exposition sur les vampires. Et dans ce cadre aura lieu un incroyable marathon Buffy à la Cinémathèque. Ceci se passera le 14 décembre, de midi à minuit. Puis, le 19 décembre, on pourra assister à une conférence sur notre série préférée, avec Paco Thielman, écrivain et réalisateur, que nous avions eu la chance d'accueillir dans notre podcast numéro 19 sur The Gift. Un petit peu de nouveau du côté de la carrière des comédiens, en commençant par Alexis Denisov qui vient d'apparaître il y a peu dans un nouveau rôle régulier dans la série Legacies sous les traits du professeur Vardemus. Je ne passe bien sûr pas à côté d'une news Alison Hannigan puisqu'en effet, elle va bientôt présenter une émission appelée The Girl Scout Cookie Championship sur Food Network. Vous l'aurez bien compris, ça parlera de nourriture. Un nouveau long métrage animé DC Comics doit prochainement voir le jour, et c'est Amy Acker qui prêtera sa voix à Lois Lane dans Superman Red Son. Avec l'équipe, nous avons dernièrement passé une superbe convention sur Buffy à la rencontre d'un tas d'acteurs et de fans. Buffy 3 Once More With Feeling était la dernière convention organisée par CloudsCon. Mais n'ayez crainte, un tout nouvel organisme du nom de Big Bad Conventions prend la relève et nous a déjà annoncé leur premier événement Buffy. Back to Sunnydale aura lieu les 7 et 8 novembre 2020. Et ça ne s'arrête pas là, la première invitée de cet événement totalement inédite en France est Elizabeth Ann Allen alias Amy Madison. Et c'est déjà tout pour cette fois, à bientôt les copains. Alors super, merci à Big M pour cette super rubrique actu. Et donc évidemment, ouais, l'annonce incroyable, c'est qu'il nous parlait de la prochaine convention Buffy qui aura lieu donc en novembre 2020. Et donc la première invitée qui a été annoncée, la sorcière Amy. Amy. On sera là, monsieur, vous serez là. Bah, il y a des gens qui sont là, du coup. Pardon. Le rat aussi. Ça te suffit pas, il te faut d'autres guests. Il aussi. Bah oui, il faut qu'il y ait le rat. S'il y a Amy, il y a forcément le rat. Aurélie, tu seras là pour faire des photos et des autographes avec Amy et Laura. Oui. Évidemment. Évidemment, novembre 2020, bien sûr. Vous pouvez commencer à prendre vos tickets d'ailleurs. Les tickets vont bientôt être mis en vente. C'est maintenant d'autres choses à dire, messieurs, sur la rubrique actu, messieurs, dames. Ah, si, moi j'ai un petit truc à dire. Voilà, il y a un projet qui se met en place et on vous en parlera très bientôt. Voilà, ça attend, ça a l'air de rien, hein, mais voilà, je le dis à nos amis. Passons tout de suite à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode du jour, quel est l'épisode dont on va parler ce soir? C'est Puppets Show, The Puppet Show, la marionnette en VF, épisode 9 de la saison 1. Il a été diffusé pour la première fois le 5 mai 1997. L'épisode est écrit par Rob Desautels et Dean Battali et réalisé par Hélène Pressman. Des choses à ajouter peut-être, Riley, sur ces gens? Alors, j'ai mené l'enquête, évidemment. Comme d'habitude, Clément aussi, t'as suivi? Tout à fait. Les rois de l'investigation. J'ai investigué sur les internets et j'ai découvert que Hélène Pressman réalise régulièrement des épisodes de séries télé dans les années 90 et 2000. Et elle a totalement disparu en 2017, mais elle est revenue récemment pour faire des épisodes de Riverdale. Donc en fait, c'est une réalisatrice d'expérience. Et ça se voit parce que je trouve que la mise en scène dans cet épisode est particulièrement réussie. Je suis d'accord. Et les scénaristes, donc, c'est Rob Desotel et Dean Battali. C'est des noms qu'on revoit très souvent dans les deux premières saisons de Buffy, en fait. Ils sont, leur poste exact, c'est Executive Story Editor, mais en fait, ils sont, c'est des, les principaux collaborateurs de Joss Whedon sur les deux premières saisons de Buffy. Et puis ils ont signé plusieurs scénarios. Ah ouais, plein d'épisodes, ils sont à une vingtaine d'épisodes. Non, un peu moins peut-être, j'exagère. Mais j'ai plus les chiffres exacts. En tout cas, ils ont fait beaucoup d'épisodes, ils sont vraiment les piliers des deux premières saisons. Et après, ils ont fait That 70 Show. Vous suivez ça? C'était très drôle. C'était marrant. Excellente série aussi. Donc, ils étaient très importants. C'est pas les créateurs, mais pareil, ils avaient un rôle très important. Donc, des gens marrants, peut-être. De l'équipe de la scénariste. Non, mais... Des gens très marrants, ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait enchaîner avec un petit pitch? Là, vous m'avez l'air super bien lancé. Alors, le pitch, j'ai dû en préparer un parce que personne ne m'a aidé à préparer un pitch. C'est un scandale. À part Big Game qui a fait une blague hilarante. Ah oui, il a envoyé une photo d'un pitch. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. C'était très drôle. Rejoignez-nous Rejoignez-nous sur le Discord, on rigole beaucoup avec les blagues de Big Game notamment. Ouais. Donc oui, j'ai quand même préparé un petit pitch. Donc c'est l'heure du talent show au lycée de Sunnydale. Ah oui. Les magiciens, chanteuses et danseuses se préparent pour le grand spectacle. Mais figurez-vous que le ventriloque de la bande semble très très suspect. Voilà, c'est un super pitch, merci. Ah oui, ça tease un petit peu quoi. C'est comme le projet là. Oh, chut, on tease. On n'en dit pas. C'est trop. C'est secret, c'est mystérieux. Alors attention, je vais lancer bientôt l'épisode. On va faire un truc, tiens. On va faire Clément. Taupe, il faut dire taupe. Non, c'est vous qui allez faire le décompte, Clément. C'est pas vrai. Parce que moi, je vais être obligé de m'absenter. Oh putain, ça y est. On y est. Je vais être obligé d'aller un peu plus loin de mon micro. Je vais plus pouvoir parler dans le micro. Ok, je vais dire taupe. Ça fait. Donc, vous allez me faire un décompte de. Ok. Allez, de 5 secondes, s'il vous plaît. Oh putain, 5 secondes. On est prêt, mais en prenant ton temps. 5 grosses secondes. 5 grosses secondes, tu vois. Attention. Ça fait 30 numéros que j'attends. Ça fait plus que 4 grosses secondes là. Chez vous, si vous voulez regarder l'épisode en direct, en même temps que nous, vous vous munissez de votre souris. Ou votre télécommande. Exactement. Pour charger l'épisode qu'on va regarder. Donc je vous rappelle, l'épisode 9 de la saison 1, The Puppet Show, la marionnette en VF. Et on va se regarder ça, hop, tous ensemble en direct. Et on va commenter scène par scène. Vous allez voir, c'est incroyable. Attention, Clément. Oui. Es-tu prêt à faire le décompte? Ah bah. Quand et tu veux. C'est Clément. Parti. Donc 5. 4. Doucement, tu vas trop vite, beaucoup trop vite là. 3 et demi. Il a pas lancé l'épisode, regarde. Donc la technique, on se rapproche c'est de 2 et demi. Là, on arrive doucement. Il a pas du tout dit top. 2 et demi. Ouais, vas-y, je suis prêt là. 1. Top. Il a dit top. Top, j'ai dit top. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Avec un previously, bon voilà, de bonne aloi, hein, j'ai envie de dire. Habituel qui dit que Buffy est le Slayer. Clairement, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Il nous faut le rappeler. Oui, alors, voilà, on précise. Ça y est, on a l'image. Ah, ça y est. Avec ce premier plan, c'est curieux quand même. C'est un plan subjectif, donc, de on ne sait pas quoi. Bah, d'une danseuse. À la vie d'être, finalement. Attends. Moi, je suis désolé, mais ce plan me rappelle celui du début de E.T. C'est un grand plan séquence à hauteur d'enfant, en tout cas à hauteur d'accord. de genoux. Okay. Et qui, on a vu tous les gens qui allaient participer au talent show et on finit sur le ventriloque. Exactement. Et on arrive surtout sur Cordelia. Ouais. Il se passe un moment génial. Cordelia, t'entends chanter. Regardez Est-ce bien qu'on ce peut plan. Se boucher les oreilles, s'il vous plaît. Donc c'est ce qu'on a écouté en début d'épisode. Alors, exactement. Oui, mais pas par Cordelia au début d'épisode. Cordelia nous chante donc sa version à elle de Greatest Love of All. C'est dégueu. Un morceau de Whitney Houston à la base. Je comprends tellement la tête de Giles. Il y a un lien qui est parfait, comme souvent dans Buffy. Le choix musicaux ne sont pas faits au hasard. C'est pas anodin. Parce que la chanson donc de Whitney nous parle de la passion pour sa chanson. Où elle se revoit enfant participer elle-même à un talent show. Et donc Cordelia qui choisit ce morceau pour participer à son talent show, au talent show de Sunnydale, fait un parallèle criant entre la diva et notre Cordelia préférée. C'est un morceau qui sera également chanté par le personnage de Cordelia dans un épisode de la saison 4 d'Angel, dans l'épisode Slutching Toward Bethlehem, où elle chante ça à Lorne pour qu'il voit son avenir. Et enfin, si vous regardez le clip, je vous encourage à aller voir ce clip de Whitney Houston, Greatest Love of All. Pareil, il y a des plans qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on vient de voir, où la chanteuse est dans un théâtre vide avec des gens derrière qui sont en train de préparer le décor. Enfin, c'est un hommage parfait à ce super morceau de Whitney Houston. Gros bisous à Whitney. Voilà, un gros bisou à Giles, surtout qu'il est obligé de se coltiner les répétitions. Apparemment, ça le fait chier. Je comprends un peu ça. C'est assez affligeant d'entendre Cordélia chanter et massacrer surtout cette chanson. C'est vrai. Surtout qu'ils s'adorent tous les deux. C'est très très bon. Jess qui est obligé de s'occuper du talent show là. Et là c'est génial parce qu'il y a un truc assez génial avec le son, la musique. On a personne qui est en train de répéter un numéro de tuba. Oui. Et donc la musique qui est intradiégétique se transforme en soulignant, enfin elle appuie le sentiment des personnages. Et ça c'est très très bien fait. Et le final sera encore mieux quand Buffy et ses amis viendront s'asseoir aux côtés de Giles. On aura la note finale du trombone pour appuyer vraiment la loose totale. Ouais. Parce que donc là ils sont en train de se faire la priorité directe. Il y a Snyder qui est le nouveau proviseur. Snyder est carrément comparé au Führer, c'est dire à quel point il l'aime quoi. Mais en même temps, c'est un connard. On fait une très bonne première apparition. Ouais, y a un truc qui est génial, c'est que Snyder, on commence par nous décrire le Scooby Gang et Giles en parlent entre eux avant qu'on le voit. Donc c'est une belle technique ça d'écriture, toujours pour faire monter la sauce, monter l'attente autour d'un personnage qu'on ne connaît pas encore. Et donc quand il arrive, c'est génial. Et là, on a un peu retard, on n'a pas vu. Mais dans la première partie de ce dialogue entre le proviseur et les adolescents, Snyder était. Ils ont utilisé la pente pour la mise en scène. Il était plus haut que. Alors qu'il est tout petit dans la boîte. Et ça c'était génial, l'utilisation du décor pour lui donner un regard, une position de supériorité, d'autorité sur les autres. Il est très très bon ce gars-là. Oui, c'est ce qu'il représente. Armin Shimerman. Peut-être tu veux nous en dire deux mots du comédien. Parce qu'on a refait une grosse enquête. Oui. Non, c'est surtout le roi des seconds, on l'a vu partout, hein, donc dans Star Trek Deep Space Nine. Mm-hmm. Deep Space Nine. Il a joué dans Stargate, il a joué dans Ally McBeal, dans Charmed, dans Boston Legal, dans Urgence. Et récemment, il a joué dans Timeless, une série de Eric Kripke et Sean Ryan, vous avez vu ? Ouais, dont je vous avais parlé. Je l'ai vu. Il joue David Rittenhouse dans un épisode dans le passé. Et Rittenhouse, c'est un nom très important pour ceux même qui pas ont suivi la série. Alors, c'était dans un épisode seulement. Ouais. Le Rittenhouse original. Non, mais il est cool cet acteur, on le voit tout le temps en fait. Dans Buffy, il est particulièrement génial. Ouais. Nous, on le voit souvent, c'est sûr. L'introduction, priorité au direct. Sid, le personnage phare de la marionnette possédée. Enfin, on va voir plus tard qu'elle est possédée, qu'il y a un démon à l'intérieur. Enfin, pas un démon, mais il y a un esprit à l'intérieur de cette marionnette. Révèle pas tout. Je crois que les gens ont vu l'épisode. Hein, qui nous est... enfin, on j'espère. S'en fout, pas faut forcément. Révéler. Mais pas moi. Alors, je le découvre là. C'est ça, Clément, on découvre toujours les épisodes. Non, alors, je vais vous parler des références. À quoi fait référence. Donc, vous savez, dans les premières saisons de Buffy. On fait un tour d'horizon des grands monstres du fantastique, du cinéma fantastique, et donc là on nous parle de ce personnage de la marionnette possédée. Et donc, c'est un grand classique. Une référence directe à Dead of Night, un film de 1945, c'est un film à sketch. Ah, j'allais dire encore plus ancien, moi. Aux poupées du diable. Ah oui. De Todd Browning, qui est assez extraordinaire, qui est extrêmement poétique comme tout ce que faisait Todd Browning, et qui travaille justement sur l'animation des marionnettes. Enfin, c'est pas des marionnettes dedans, ce sont des personnages qui inanimés qui s'animent, et c'est un peu ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. Bah oui. C'est ce qui se passe dans l'épisode. C'est un personnage inanimé qui est censé être manipulé par quelqu'un, qui va être capable de ventriloquisme. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça commence où on se rend bien compte que celui qui le manipule n'est pas du tout ventriloque, puisque il est jusqu'au moment où finalement le personnage qui est à l'intérieur de la marionnette prenne le pas et disent oh ça suffit j'en ai marre, et à la plus grande stupéfaction de celui qui le manipule. Et il y a exactement tout ça dans Dead of Night également, où il y a un artiste de cabaret, donc il fait des numéros de ventriloquie avec sa marionnette, et sa marionnette est beaucoup plus marrante que lui, beaucoup plus au début il est nul, beaucoup plus extraverti que lui. Et pareil, ce thème donc classique sera aussi également repris dans un épisode de la Twilight Zone, The Demi, où pareil la mise en scène on utilise la mise en scène pour marquer la vie de la poupée avec des décadrages de caméra qui la font se mouvoir. Into the hat and out comes. Has anybody seen a rabbit? priorité au direct, on a passé le générique début et on arrive à la première scène où on revoit un peu le même genre de plan qu'au tout début. On finit sur le Scooby Gang. Voilà, où on voit plusieurs membres, plusieurs mais participants qui commence par le magicien. Qui commence encore par une le fois. Magicien. Oui, point de suspension. Suspense. Ah oui. Et surtout qui finit par le Scooby Gang. Et ça y est, ils ont intégré la troupe du talent show et donc du coup les victimes potentielles du démon. On le verra plus tard parce qu'il y a une danseuse qui vient de se faire tuer. Oui, d'ailleurs, il y avait une référence à Evil Dead. Ils vont la trouver après. Référence à Evil Dead. Dans les vestiaires. Et là, les amis là, sont en train de se poser la question de c'est quoi leur talent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent montrer sur scène ? Et c'est très drôle parce qu'ils se rendent compte que le seul talent qu'ils ont, c'est donc défoncer des démons. Et ils ne peuvent pas trop faire ça sur scène. Et ça, c'est un truc récurrent dans ce début de série, même plus loin dans la série, c'est que ce qu'ils font, leur super pouvoir ne peut être que caché. Leur talent, ils ne peuvent pas l'exposer au grand jour comme la chanson, comme le jonglage, comme la ventriloquie. Ou la ventriloquie. Est-ce vraiment un talent ça, ils sont comme... condamnés à être nuls aux yeux des autres. Et oui, la ventriloquie est un vrai talent. Bah, ah, pardon, non, je voulais pas lancer un débat. Là, pardon. Et on sait pas en conclusion. On ne sait pas quand tu plaisantes, Riley. On l'a dit, redit. Tu veux pas mettre des smileys ? C'est ça. Moi, j'adore la ventriloquie. Jean-Marc, tout ça. La Jean-Marc attitude, hein. La Jean-Marc attitude. Voilà. On adore. Bah oui. Et surtout moi. Et donc voilà. C'est, je finissais avec ça. Donc eux, ils passent toujours pour des gros losers aux yeux du monde, alors qu'une fois la nuit tombée, le Scooby Gang sauve ces gens. Et il arrive pareil à Morgan dans cet épisode. Morgan passe pour un gros nul qui fait un peu des blagues salaces et tout à travers sa marionnette. Oui. Et bah on se rendra compte en fin de compte que non, il faisait ça pour se cacher. En fait, il l'aidait. Mais il spoil, c'est ça le principe. On est toujours dans le théâtre. Hein. C'est le même décor depuis le début de l'épisode. En fait. Et on voit quand même bougé. Que Snyder est très très petit. À côté de Giles, c'est clair que là il est tout petit. C'est vrai, on n'a pas vu le lycée en fait pour l'instant. On n'a rien vu de cimetière. Qu'il a l'air d'être très très très très sévère et très très, comment dire, chiant. Ouais. Je pense, hein. Voilà, alors que l'intrigue continue. Oh là là, mon dieu. J'ai toujours aimé les filles qui crient. Ah bah oui, dans Buffy, bien sûr, notamment. C'est tout, parce qu'il y a une araignée ou je ne sais pas. Dans la première saison, on reprend à fond les codes du film d'horreur classique. C'est les codes du thriller, tout à fait. On a du cri, on a des scènes un peu de suspense. On a des filles qui toutes les semaines au lycée. Et donc tu parlais du décor, Riley, c'est oui. Rappel, saison 1, il y a pas de il y a pas de budget. Donc, on loue une salle de théâtre pour on y tourne. Ça a dû coûter un petit billet quand même la location de la salle, donc on la rentabilise un maximum. On va la voir tout le temps cette salle de spectacle. Et les plans sont très serrés quand ils sont à l'extérieur. Bah oui, pareil. Le lycée c'est un couloir. Le lycée, oui, pour rappel, on sait que ils avaient seulement un couloir en saison 1, donc c'est toujours le même couloir avec, comme tu dis, des plans assez serrés. Donc, un petit point sur l'intrigue, là, on vient de découvrir le cadavre d'une danseuse, donc d'une participante du talent show. Xander précise qu'il déteste cette école, hein, bien sûr, il a raison. À qui on a arraché le cœur. Le cœur, à l'aide d'un couteau, donc quand là, même. Ils sont en train de se poser la question. C'est assez gore. C'est un crime humain, même si on est sur... Bah oui, c'est bizarre. On a arraché le cœur, soit c'est un super fétichiste et on est dans X-Files, soit c'est on est dans Buffy et là ça peut être un démon. Bah, loup-garou, n'importe quoi. Mais on a envie que ce soit un peu fantastique parce que là ils sont en train de se demander si c'est pas un crime humain. Bah oui, c'est plus angoissant. On n'est pas dans l'esprit criminel quoi. Non. Nous on a envie que ce soit du démon quand même, ça serait mieux. C'est pas leur spécialité. Du coup, ils sont étonnés de la nature du meurtre quoi. Mais on est sur la bouche de l'enfer, les gars. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils réfléchissent comme ça. Penser que ça puisse être autre chose, c'est complètement dingue. Bah, il faut s'y habituer, hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas les traces de meurtre, ouais, de blessures habituelles depuis. Enfin, en même temps, en plus, ils sont qu'au début de la série, il faut pas l'oublier, ils débutent, c'est des débutants. Et puis au début, ils pensent qu'il n'y a que des vampires. Et c'est ça. Ouais, mais enfin là, ils ont vu autre chose que des vampires depuis. Et donc là, l'enquête commence. C'est vrai que penser à la marionnette, c'est risqué. C'est pas un truc auquel on pense tout de suite. Tiens, il y a encore le magicien. Le magicien. T'as vu, Riley, il fait du close-up. Parce que la petite équipe interroge chacun des participants du talent show. Là encore, on alterne entre sérieux et humour. Parce que vous avez vu, depuis le début, on alterne les scènes de comiques et les scènes d'horreur pure. Quoi. La scène dans le vestiaire, par exemple, qu'on n'a pas commenté, mais qui était très très anxiogène, et alternée avec les numéros de chant de Cordelia. Là encore, Cordelia fait des blagues. L'interrogatoire, hein, c'est un truc qu'on voit souvent dans la première saison. Dans les premières saisons, il y a souvent ces scènes. Et on parle bien joué Clément. Il y a souvent ces scènes d'enquête. On parle de quelque chose qui est extrêmement triste. Le bruitage en direct. Quand même, il y a quand même une jeune fille qui vient de se faire tuer. Mais on met quand même des petits moments de légèreté avec le tour de magie qui marche pas du magicien, tout ça. La marque de fabrique de Buffy. Exactement. Si on n'a pas d'humour, si ça ne côtoie pas la pire des horreurs, il n'y a pas de légèreté, c'est plus Buffy. Exactement. C'est un équilibre. Et voilà, c'est exactement. Et c'est ce qu'on trouve très bien dans cet épisode. On alterne l'angoissant et le rigolo, le même très très drôle. Mais voilà, ils en viennent tous à la même conclusion après ces interrogatoires. Morgan a l'air d'être le suspect idéal. Il est creepy. Oui, parce que Morgan, il est très fermé, il sourit pas, il se mélange pas aux autres. Il a l'air très très bizarre. Et puis surtout, il a commencé par être complètement nul en ventriloquisme et tout à coup, il est devenu absolument génial. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Donc bon, soit c'était effectivement un numéro pour faire ça, mais il passe son temps à dire qu'il a mal à la tête. Et bah oui, clairement, il a l'air pas bien, le mec. Et puis il a mal à la tête, mais en même temps la marionnette parle et réagit, donc c'est très très flippant. Ah ouais, non, mais enfin, moi c'est ce qui m'a fait décrocher, quoi. Enfin, à partir de là. C'est génial, là, quand la marionnette parle à sa place. C'est et fabuleux. Tout. C'est génial. Non, t'as pas aimé, Clément. Non, c'est la première vanne qu'on fait à un ventriloque. Enfin, c'est évident, je sais pas. Oui, je suis d'accord, c'est classique. Mais Buffy se dit ça aussi. Classique. Buffy se dit, le mec, il est tellement. Il quitte jamais son personnage, quoi. Il est tout le temps. Sauf qu'elle ne soupçonne pas une seule seconde que la marionnette puisse être impliquée. C'est ça. Ce qu'elle soupçonne, c'est le marionnettiste. Enfin, c'est le ventriloque. Mais en même temps, il y a ce regard-là qui vient d'être fait sur la marionnette, où elle se rend compte que, ah non, c'est pas un faux raccord, parce qu'on pourrait se dire ça, nous, c'est un faux raccord, puisqu'elle a été mise avec la tête au-dessus. Mais non, c'est pas un faux raccord. C'est une putain d'idée de mise en scène. Et la tête a tourné. Toute seule. Tout à fait. Donc cette marionnette Sid est décidément très très très très louche. Et donc Morgan avec, vu qu'ils forment un duo tous les deux. Et donc c'est ce que le Scooby Gang vient rapporter à Scooby Jice. Gang. Le Scooby Gang, ouais. Et vient rapporter à Jice. Faut mener l'enquête et tout. Alors Jice, et surtout Tony Head, là, il est parfait dans cet épisode. Il est encore plus stressé que d'habitude. Giles est toujours parfait. Ouais, et puis là, oui. Là, il doit gérer, en plus de sa mission d'observateur et de bibliothécaire, il doit gérer son nouveau boulot de directeur du talent show. Ça a l'air de l'encombrer, mais là, sérieusement. Là, dans le reflet de la porte du bureau de Giles, vous avez pu apercevoir toute l'équipe technique. Il y a la caméra, perche, caméraman. C'est assez cool. Mais voilà, Giles, il est génial. Il est super stressé et il veut absolument mener à bien sa mission de responsable du talent show. Mais mener à bien sa mission, c'est toujours son problème. Mais exactement. Voilà, quelle que soit la mission qu'on lui donne. Quelle que soit sa mission. Exactement. Exactement. Ouais, il est comme ça, Jace. Très anglais. Très strict. Très toi. Et la situation est inversée, Riley. C'est ça que tu me disais hors antenne. Oui, parce que d'habitude c'est Giles qui dit à Buffy que non, elle peut pas faire passer sa vie privée avant son rôle de tueuse. Est-ce qu'on peut parler de ses vêtements aussi? Et là c'est l'inverse. Et là c'est l'inverse. Giles lui fait passer sa vie de lycée avant son rôle d'observateur. Quoi. Donc un point costume peut-être à ma droite. Oui, moi je veux bien un petit point costume. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans la saison 1 de Buffy, elle a systématiquement des jupes ou des robes qui lui arrivent bien au-dessus du genou. Et j'avoue, jamais nous ne voyons quoi que ce soit qui en dépasse. Quelles que soient ses positions, quelles que soient les actions qu'elle peut mener, quel que soit le coup de poing, quel que soit tout ça, je trouve que c'est d'une grande classe absolue. C'est Buffy. C'est vrai. Buffy, elle a la classe. Parce que, mais c'est intéressant parce que le personnage était sexy mais sans jamais être vulgaire en fait. Exactement. C'est un truc. On est toujours à la limite. La façon dont c'est filmé, elle est toujours à la limite. Parce qu'elle est objectivement très très jolie et voilà. Mais c'est. J'en parlais dans le dernier numéro du podcast. C'est une série qui, paradoxalement, ne sexualise jamais ses personnages féminins ou masculins. À part Face. En fait, si. Ils sont pas sexualisés, ils sont sexés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont des hommes ou des femmes. Ouais. Mais ils ne sont pas sexualisés en termes de. On va rentrer dans quelque chose de l'ordre de l'acte sexuel. Out of this case. You he must have taken it and just forgotten to tell me. Mais alors, priorité au direct, là, on est quand même dans une enquête policière, là, très clairement. On a un épisode policier. Tous les codes de la série policière sont là. Le meurtre au début, l'enquête, les différents suspects, la recherche d'indices, les fausses pistes qui vont se multiplier. Et ça, c'est aussi une force de cette saison 1. C'est que la série commence, le spectateur n'est pas encore attaché au personnage, il sait pas encore qui est qui, quels sont les enjeux, forcément. Et ce coup de mettre en place une intrigue complètement polar, c'est une bonne manière de tenir en haleine le spectateur. Après, même si c'est une intrigue de polar un peu fauchée, c'est du polar quand même, donc ça marche, ça nous tient en haleine, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir qui est le tueur, quoi, tout simplement. Bah oui, sauf qu'on on sait très bien qui c'est. Bah non, justement. Non. Bah non, pour l'instant, tu sais pas. Oui, tu d'accord. Tu sais parce que tu l'as déjà vu, c'est pour ça que tu dis ça. Tout nous indique que c'est la marionnette, voilà. Je pense que c'est la marionnette. Sauf que, évidemment, c'est Joss Whedon, donc il va faire plus loin que ça, ça va être beaucoup mieux que ça. Non, mais je me pose en quelqu'un qui aime pas l'épisode. C'est l'acte 1, d'accord. Évidemment, et en plus, ça c'est l'acte 1, tout le monde se plante. Buffy pense que c'est Sid et Morgan qui sont les tueurs. Snyder, lui, pense que Buffy est une personne dangereuse, il arrête pas de rôder autour d'elle. Oui, mais ça c'est pendant toute la saison et voire les saisons suivantes. Et Morgan et Sid se plantent aussi parce que eux, on le comprendra plus tard, imaginent que Buffy c'est le démon. Tout le monde se plante. Et là, donc on arrive dans la dernière scène de l'acte 1. Donc cette scène avec entre Joyce et sa fille Buffy. Buffy va sortir une phrase qui est très très cool et pleine de sens multiples. Elle lui dit « Mom, if you really love me and wanna show your support, you'll stay away, far away. » En parlant du talent show, elle ne veut pas que sa mère vienne la voir au talent show pour lui montrer son soutien. Alors, deux choses. Déjà, le plan sur la marionnette était très cool, là, à travers la fenêtre. Et effectivement, tu t'es amélioré en anglais. Oh putain, c'est sympa. Et là, et mais oui, le plan était super. Pour finir, ouais, je voulais dire que c'est une phrase donc, qui peut s'adapter à toutes les situations d'ado confronté à ses parents. Oui, parfois les parents doivent laisser un peu de liberté, un peu de zone un peu où les enfants font ce qu'ils veulent. Et encore plus quand c'est une tueuse de vampires, c'est une phrase qui marque aussi, qui peut être utile pour montrer qu'elle veut protéger sa mère en la laissant en dehors de ses affaires. Oui, puisque à ce moment-là, Joyce ne sait pas. Ne sait pas, effectivement. Donc, vous l'avez noté, Clément, il y a eu un super plan où on voit Sid à la fenêtre. Oui, un plan que tu n'avais pas vu. Très, très bien flippant. Très, très flippant, le plan. À l'époque de la 4e, on ne voyait puis, pas le... Et puis après, quand ça court partout dans tous les sens et où on ne voit rien, on se croirait limite dans Alien, quand même. Eh bien oui, voilà. Il y a eu cette scène très, très bizarre, là. Donc, très, très sous-exposée. Et sous-exposée, si, objectivement. On n'y voyait pas grand-chose, mais c'était voulu. Hein, pour bien, bah pareil, pas trop de moyens. Pas trop montrer la marionnette. Oui. Oh, encore le magicien. Voilà, compliqué de filmer une marionnette dans la nuit, donc on en montre le moins possible pour faire peur. Et donc là, le magicien qui est nul à chier, qui fait rire tout le monde. Mais ça devrait nous donner des indices. On le voit dans chaque scène. À chaque fois qu'on change de séquence et qu'on se retrouve au talent show, on commence par lui. À chaque fois. Non, mais ça, c'est cool, on était abusés, c'est très bien. Et on voit que c'est un mauvais magicien, donc peut-être. Très mauvais magicien. Du coup, on ne le capte pas une seconde, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. Bah oui, c'est comme la bonne, comme. Tout à fait. Là, échange Cordelia Giles, formidable. C'est toujours formidable. De toute façon, dès qu'on a ces deux personnages là dans la même scène, il se passe toujours quelque chose de magique. Là, c'est non, là, signe rien. Excellent. Je te rappelle que Cordelia ne craquera jamais pour Giles. Non, mais il se passe toujours un truc de bizarre, quoi, d'incompréhension. C'est drôle. C'est deux mondes. C'est la confrontation entre deux mondes complètement dingues, entre l'adulte et l'adolescente, l'adolescente superficielle américaine et le britannique hyper coincé. Voilà. Très coincé et tout très cultivé, et c'est toujours très très drôle. C'est pour ça qu'il se passe toujours un truc. Oui. There's something wrong with my hair. Oh my god. Oh my god. On adore Cordelia. Ouais, petite dose. Je parle pour moi. Là, je vais vous demander de m'écouter, il se passe quelque chose d'assez grave. Ah, priorité au direct. Buffy, Buffy a donc été victime d'une tentative de meurtre. On est bien d'accord, hier soir. C'est vrai. Elle va donc en toute logique. D'une intrusion dans sa chambre, elle exagère. D'une agression. Elle va en parler à ses proches. Et là, il se passe quelque chose qui, hélas, arrive encore beaucoup trop souvent quand une femme rapporte un défait d'agression. On ne la croit pas. C'est vraiment ce que dénonce cette scène. Alors, en plus de faire avancer l'intrigue, hein, de faire traîner un peu le moment où on découvrira que Sid est bien une marionnette démoniaque, enfin, au moins possédée, Là, on a clairement une jeune femme qui fait un énorme effort pour dénoncer quelque chose qu'elle sait difficilement crédible, comme lorsque, par exemple, on doit prouver que le collègue sympa est en fait un mec dégueulasse une fois que la nuit tombe. Là, c'est ça, c'est la marionnette. La marionnette, elle apparaît inoffensive aux premiers abords. Elle est sale à sa mort. Elle est très très dangereuse. Elle a les yeux qui sentent le cul quand même. Voilà, et c'est ça qui est horrible, c'est que Buffy n'arrive pas à. Enfin, ses proches ne la croient pas, comme ça arrive, je vous le dis très souvent. Ouais, c'est tellement absurde, la marionnette tueuse. Et pourtant, dans la même lignée, elle pourrait avoir un truc imparable. Deux jours, elle a des choses qui lui arrivent à mi-cuisse, et quand elle dort la nuit, elle a une espèce de jogging informe, qui est tout sauf sexy. Quel est le rapport avec les marionnettes? Je rentre dans le même genre de commentaires complètement débiles. Ah, d'accord, décalé un petit peu. Décalé. D'accord, ok. Ouais. Et donc, Xander qui répète like a cat, ouais, si c'était un chat, donc c'était un chat. Il utilise son traumatisme contre elle pour dire, mais bon, tu l'as inventé ça, ma pauvre fille. Enfin voilà. Après ce qu'ils ont vu, ils croient pas à la marionnette tueuse, quoi. Ben voilà, eux n'y ils croient pas. Ils ont vu plein de trucs et tout, mais. Mais surtout, c'est le problème de cette scène, c'est qu'ils devraient juste faire confiance à leur ami, quoi. Juste ça. Pas la peine d'essayer de penser à sa place. Elle te dit ça, donc juste tu la crois. Et voilà pourquoi Buffy, c'est génial. Ben voilà. Le mec est avec sa marionnette en cours. Alors oui, alors voilà, alors attendez, excusez-moi, mais. Il fait grave flipper la marionnette. Et elle se retourne, la marionnette. En fait, on se demande si c'est pas une hallucination au début. Alors, moi, j'ai pensé à ça parce que au bout d'une heure de cours, s'il vous plaît, vous pouvez enlever votre marionnette. C'est quand même bizarre. Non, la prof, c'est n'importe quoi. Okay. Si un mec faisait du jonglage en cours, c'est bientôt le talent show, faut que je sois tout le temps avec ma marionnette. Attends, c'est-à-dire qu'il est rentré pendant l'appel. Andrew, ok. Moi, ce que j'aime, c'est le commentaire de Cordélia qui lui dit oh, mais on dirait qu'il te dévore des yeux, qu'il te drague. Bah oui, oui. Je trouve ça extraordinaire de la part de Cordélia. Bah oui, mais c'est tout va bien. Elle est dans le placard. Donc voilà, priorité au direct, il a sa marionnette. Fait rire en cours. Alors juste un et truc. Justement, comme ça fait rire tout le monde, ça énerve la prof. Parce que avant, ça l'énervait pas du tout. C'est marrant comme quoi les ventriloques qui font toujours. Ils disent à. Leur marionnette dit ce que. Ah, bah évidemment. Ils pensent à. Bien sûr. C'est pas moi qui dis ce qu'ils pensent. C'est des gros timides. En fait, c'est juste ça le concept des ventriloques. Disons que ça fait. Tous la même chose. Le fait de passer par une marionnette te permet de dédouaner de ce que tu vas penser et dire. Ouais, bien sûr. C'est la marionnette, c'est pas moi. Sauf que ça n'a pas sens parce que. On la voit au bout de ton bras. C'est débile, c'est comme si. Ou alors t'es vraiment con et tu crois vraiment que c'est la marionnette qui dit ça, quoi. Et là tu pardonnes tout. Quand c'est en ventriloquie, ça. C'est... Je trouve cette scène absolument géniale. Ah. Parce que c'est le moment où il vient récupérer sa marionnette. Et que donc justement elle est là, elle va pas comprendre, mais pourquoi, etc. Et puis il veut la récupérer quand même. Il est maquillé comme un drogué. On a l'impression qu'il parle de quelqu'un qui est complètement extérieur à lui et qui est complètement différent. Et puis il a mal à la tête. Et puis il y a ces espèces de trucs. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il nous touche un petit peu, Morgane. Oui, complètement. Et on a l'impression qu'il est complètement vampirisé par cette marionnette. Jusqu'au moment où elle va ouvrir le placard et que. Oups. Ah bah attends, t'es pas synchro. Redis. Elle va ouvrir le placard et ouh. Ah voilà. Synchro. La marionnette n'est plus là. Elle n'est plus là. She's gone. It's gone. Yes, not it. He. She, excuse-moi. Non, c'est pas she. Voilà, it. Est-ce qu'on ne ferait pas un point costume? Parce que j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup les costumes, les deux. On parle de quoi? De l'horrible tailleur de la prof de Morgane qui ne change polo jamais qui est toujours le même. Hein. Exactement, j'ai envie de parler du polo de Morgane parce que tous les personnages se sont changés depuis le début de l'épisode. Mais pas lui. Sauf lui. Mais il a mal à la tête, le pauvre garçon, pour le comprendre. C'est ça, on peut dire soit c'est une série vraiment très très fauchée, ils n'ont pas de quoi acheter un t-shirt à Morgane, soit non, toujours c'est pour souligner les traits de caractère du personnage qui là est complètement au bout de sa vie, qui est complètement paumé. Tout ça et qu'on oublie même de se changer d'un jour à l'autre. C'est un code pour le spectateur, je pense. Voilà, c'est tout. Morgane, il est galère. Là, je vais quand même une marionnette, il ne se change jamais. Ah, bah évidemment. Ou alors c'est une marionnette. Non, mais c'est pas inintéressant ça. Si, il devient lui-même la marionnette. Il est marionnette aussi de Sid et que du coup, il n'est jamais changé comme Sid n'est jamais changé. Non, ils ne font qu'une seule personne, les deux. Alors, Alex qui prend la. Et Alex, c'est vrai, ça mourir de rien. Nicolas Dupont. C'est une caricature, la ventriloquie. Il est pas aussi. Lui-même, il est nul. Il est aussi nul que Morgane au tout début. Il est aussi nul que Morgane, effectivement. Il fait aucun effort pour. Il est encore plus nul. Il nous fait une référence à comment ça s'appelle, à Shining. Red Rum. Donc, il veut dire murder à l'envers. Normalement, ça se fait avec le petit doigt. Enfin, avec l'index. Ah oui. Pour les seuls, les vrais fans. Les vrais savent. Oula. Donc oui, la réplique que Danny nous sort dans le film Shining pour éveiller les soupçons, pour me dire qu'il y a un problème. Il y a un petit problème dans cet hôtel. Ouais, mais je trouve que c'est trop appuyé. Enfin, là, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. Oui, moi. C'est la vanne est très longue. Ça dure combien de temps? C'est le moment où justement il le pose, il se dit ça y est, là c'est fini, puis il va faire autre chose. Et puis au moment où on se dit il va disparaître, il tourne quand même la tête. Il veut pas que Sid le regarde. Il est quand même mal à l'aise. C'est toujours dérangeant, une marionnette. Bah oui. Parce qu'une marionnette, c'est figé. La marionnette fait très peur aux enfants. Bien sûr. Moi, elle me fait encore peur. Il faut justement l'animer pour que ça passe mieux auprès des enfants. Ouais, faut voir. Hein. Non. On en parlera peut-être un peu après, mais encore pire. Oui, je rappelle que tu es spécialiste des marionnettes, Aurélie. On en parle après justement. On en parler juste après. On a plein de questions suite à cet épisode. Vous allez apprendre plein de choses sur les marionnettes. Hein. Restez à l'écoute. Là, pendant ce temps-là, Buffy donc est à la recherche de Sid. Elle cherche Morgane. Et de Morgane, évidemment. Elle pense que Morgane est là et Snyder va arriver, je crois. Et oui, exactement. Mmh. Je crois qu'il fallait pas spoiler. Pardon, j'ai spoilé. Là, t'as spoilé, Aurélie. Snyder. Snyder qui est partout. Regarde-moi cet éclairage. Cet éclairage génial par en dessous. On dirait Nosferatu. Là, mon Dieu. Entrée théâtrale. On est dans un film de Todd Browning. Ah, c'est complètement extrême, là. Donc, c'est moins émouvant. Ça souligne à fond l'entrée du méchant de service. Donc, comme pour la séquence des casiers, où il arrivait par surprise. Au moment où Buffy mène son enquête, le nouveau proviseur vient lui casser les noix. On est sur une... Elle n'en a pas. On est sur une super... Faudrait-il dire les ovaires, s'il te plaît. Introduction. Il lui réduit les ovaires. C'est ma manière de dire ovaires. Non, mais il est présenté un peu comme une menace aussi, quand même. Et toujours. Le personnage qui va empêcher Buffy... C'est la première fois qu'on le voit, faut pas l'oublier. Ouais, il va empêcher Buffy de mener à bien ses enquêtes. Hein, c'est un connard. Cette succession de plans est absolument fabuleuse. C'est-à-dire qu'on sent la tension de Xander qui a quand même un peu peur, qui est un peu impressionné, qui se demande parce que c'est cette chose inanimée qui a quand même les yeux grands ouverts, qui pourrait la regarder, il la regarde. Bah, il est en train de faire ses devoirs où on ne sait pas trop quoi d'ailleurs avec son crayon. Puis il la regarde un peu comme nous, comme des trucs, comme quand on a vu une araignée, puis on la regarde, puis à un moment on la regarde plus, et dit merde, où est-ce qu'elle est passée? Et là, c'est pareil. Il regarde plus et nous on a vu qu'il était pas là. Ouais, ce plan donc où Sid a disparu. Ça c'est génial. Dans le même plan, et vous avez exactement ça dans l'épisode de la Twilight Zone. Oui, tellement pas d'accord. C'est, il y a exactement ce même plan pour nous montrer la disparition de 5, la marionnette. 4, voilà. Et là, comme quand une souris est dans la Chucky, pièce. C'est le même effet dans tous les films de Chucky aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça que tout le monde. Voilà, c'est un classique. Mais Chucky, tout c'est après. Xander vient donc c'est monter. Avant Buffy. T'es sûr? Ah, bien sûr. Xander c'est les 80. Xander vient donc de monter sur la table. J'ai toujours détesté Chucky. Non, mais ouais, c'est. Ils font les mêmes effets en fait. C'est un vrai hommage quand même à tout ce genre, ce sous-genre du film d'horreur. Surtout plus loin quand on hommage. L'objet qui ressemble à l'humain, qui est inanimé et qui s'anime. C'est ça, ouais, ça fait. Et surtout ouais, quand on va voir Sid armé d'un couteau là bientôt là c'est complètement Chucky la meilleure scène de l'épisode, attention. c'est parti. Alors là c'est hommage carrément à David Fincher. Fincher il a pas commencé sa carrière là. Non mais je plaisante parce que le rabat-joie, je suis un petit peu dans la place. Ah bah aujourd'hui un petit peu rabat-joie, pas du tout cet épisode. Je n'aime pas du tout cet épisode sur Morgane. Tout à fait. Pourquoi on ne voit pas. Qu'on reconnaît à son polo qui est toujours le même depuis le début, quand comme même. Comme quoi, ils ont bien fait de l'habiller toujours pareil. Ouais, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas filmer sa tête plus tard, quoi. Évidemment. On est toujours très en gros plan dans cet épisode, quand même. Oui, il n'y a pas de budget, donc on a un gros plan. Non, mais c'est réussi, quand même. Oui. Ça marche très bien. Ah, attention ! Un lustre qui tombe très doucement. On a raté. Attention ! On n'a pas vu. Assommée. Regarde, elle est assommée. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle se prend des pains dans la tronche. Mais oui, attends, mais exactement. Et là, elle arrive quand même à être assommée avec juste un pauvre lustre. Mais la tueuse, un lustre qui lui tombe au niveau du cou en plus. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Vous êtes passionné, Clément. Pour un épisode que vous n'avez pas beaucoup aimé, ça vous passionne. Bah oui, ou alors je dis c'est nul et puis je dis plus rien, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Alors non, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, cette espèce de petite cavalcade, ça a quelque chose qui rappelle de nouveau Alien. La petite bestiole qui cavale dans tous les sens, qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à identifier, on entend le bruit. C'est extrêmement flippant et ça accentue les faits qu'elle est enfermée. Comment est-ce qu'elle se sort de là, quoi? Le couteau, là, attention. Et là, on est dans Halloween. Mais là, c'est Halloween. Il y a un machiniste derrière qui bouge. Mais non, c'est psychose. C'est ouais, psychose c'est... avec une marionnette complètement. Quand il arrive, il manque juste le truc un peu strident. Okay, okay. Ouais, pardon, j'ai loupé l'hommage à Psychose, excusez-moi. C'est excellent, Buffy. Là, le plan est assez génial, là entre les deux qui vont, qui parlent enfin. L'un l'autre et qui vont se rendre compte bah, qu'ils sont dans l'erreur tous les deux. Ils pensent tous les deux qu'ils ont trouvé le démon et en fait non, ils sont tous les deux chasseurs de démons. Voilà. Et donc un plan de profil des deux qui nous. Et ça voilà. Là c'est cool. Ça c'est génial. Voilà, qui nous met vraiment. Quand ils se regardent, ils captent au même moment. Ouais, la transition avec Jay, c'est bouche bée. Les deux personnages sont vraiment à égalité dans ce plan, sont vraiment symétriques et donc pour nous montrer qu'ils sont tous les deux chasseurs de démons, qu'ils sont tous les deux dans le même coin, ils font la même chose tous les deux. Et derrière, on a ce plan génial de Sid raconte son histoire. Scooby Gang qui écoute religieusement. Bouche bée devant Sid qui raconte son histoire. Et moi, comme un type, j'imagine avec une clope là. Pourquoi ils n'ont pas fait fumer Sid? On ne sait pas. Tu vois son histoire. Oui, parce que t'as la fumée de la théière. C'est une marionnette. Ouais, c'est une marionnette, Clément. Ça fait un drôle d'effet. Ça aurait été un poil trop, du coup. Ça aurait été génial. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, tout ça pour dire que ça marche. Moi qui critique l'épisode, tu vois, je reconnais que non, ça marche. Oui, en même temps, on découvre aussi que c'est une espèce d'obsédé sexuel terrible. Il est salace au possible. Donc bon. Là, je vous parle. Est-ce que c'est grave qu'il soit transformé en marionnette et justement absolument incapable de sévir? Pas sûr. C'est une très bonne interprétation. Je vais vous parler de la voix américaine, donc la voix de Sid, qui est interprétée par le comédien Tom Weiner. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là encore, le choix n'est pas anodin de Tom Weiner. Ce monsieur est un habitué du doublage et il est notamment la voix américaine du Puppet Master dans le chef-d'œuvre de Mamoru Oshii, Ghost in the Shell. Le film était sorti. Deux ans plus tôt. Et donc le Puppet Master, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un exemple, c'est un personnage qui fait référence clairement à Sid. C'est une espèce de forme de vie spontanée, c'est dit dans le film, née de l'océan informatique qui se balade sur les internets et qui prend le contrôle des cyborgs. Un peu comme notre podcast. Pour réclamer. Prend le contrôle des internets. Mais surtout le Puppet Master, il réclame son droit à la vie, son droit à vivre, à être reconnu comme forme de vie. Et donc c'est très intéressant qu'on ait choisi le même comédien pour interpréter le Puppet Master et Sid qui veut la même chose, il veut vivre. Alors lui, l'accomplissement de son existence, c'est tuer le démon et au final mourir, mais il réclame aussi quelque chose, il réclame d'être un être à part entière. Donc c'était intéressant ce petit lien entre les deux œuvres. Ghost in the Shell, si vous n'avez pas vu, à voir. À voir. Très, très, très, très bon. Très, très bon. Et là, on arrive à un truc, on a l'impression qu'on est dans High School Musical et on est très heureux que Cordelia ne chante pas. On est toujours très heureux qu'elle ne chante pas, ça c'est sûr. Moi j'aime bien les voir travailler ensemble, hein, avec leur caractère bien trempé quand même. Je trouve qu'il éclipse un petit peu Buffy dans cet épisode. Parle d'une autre tueuse là, c'est vachement intéressant ça. Il dit qu'il a rencontré une tueuse coréenne. Ah, oui. Ça enrichit l'univers. Figurez-vous Clément qu'il existe une chronologie officielle des tueuses. Mais tu me rassures, mais j'aime beaucoup ça. Et donc cette fameuse. La tueuse coréenne, elle a été tuée par qui? Alors on ne sait pas, mais je peux vous citer les tueuses, la tueuse qui a eu avant elle et celle qui a eu après elle. Donc on sait que cette tueuse coréenne a exercé dans les années 30. On peut dire qu'avant. Il y a une tueuse pilote qui elle aussi exerçait dans les années 30, on sait pas exactement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle est canon du coup? Et après, c'est complètement canon ce que je vous raconte, puisque après la tueuse coréenne, il y a eu une tueuse nommée Rachel O'Connor qui elle combattait les nazis en 1937. Et toutes ces tueuses, on peut les retrouver dans les comic books Tales, vous savez, les comics Buffy, qui ont été édités soit pendant la série, soit après. Et donc dans Tales, on a des récits des anciennes tueuses avant Buffy. Des préquels. Sid qui a tenté avec Buffy. Complètement. Il a des façons BD. Sid, gros pervers, donc qui a tenté avec Buffy, alors que c'est une marionnette. Alors là, c'était super chouette. Bah oui, surtout qu'il est un peu nuclé. Enfin, il est vieux. Mais on s'en fout. Non, il est pas vieux. Il a plus d'âge. Il vient de proposer du sexe à une ado de 16 ans. Il est vieux dans les années 30, pardon, mais je vous rappelle qu'elle est amoureuse d'un type qui a 242 ans de plus qu'elle, donc ça va. Hein. Elle aime les vieux, mais quand même, là, la marionnette, c'est chaud. Angel devient lui une marionnette. On en parlera plus tard. Il s'est fait rembarrer, Sid, quoi qu'il arrive. Voilà, c'était complètement indécent et Buffy l'a remis à sa place. Mais il est salace depuis le début, donc c'était un peu logique. Oui, oui. Donc là, oui, on a eu, il s'est passé plein de choses. On a eu donc Jarvis qui réunissait tous les membres du talent show. Et là, ouais, on et a un truc un peu. On n'a pas trouvé qui était éventuellement le criminel. Voilà, et entre temps, Sid a disparu. Donc du coup, il y a un nouveau Snyder twist. Est de plus en plus dans le noir. Un nouveau twist dans l'histoire. Est-ce qu'en fait, il aurait menti? On s'inquiète de Sid. Et comme tu le dis, Riley, il y a une scène très très chelou avec Snyder. On ne voit que ses oreilles. on le voit plus du tout là. Là, il est de plus en plus mystérieux, hein, le gars. On se demande pas si lui-même est pas fantastique. Enfin, je sais pas, on sait pas du tout d'où il vient. Il a attention. C'est lui-même un démon. Un cerveau. Attention, mes filles, un cerveau. Le cerveau en caoutchouc. Attention. C'est vrai que le cerveau, c'était chaud. Mais ce que j'adore, c'est quand elle revient, elle l'a plus entre les mains, mais qu'elle a l'impression qu'il y est toujours là. Je trouve ça fabuleux. Donc là, c'est un bon moyen de pallier au truc. Parce qu'on voyait pas eu de sang non plus du tout. Ouais, c'était la fin de l'acte 3. Donc à chaque fois, les fins d'acte sont censées être un peu spectaculaires, un peu dingues. Donc on l'a eu. Il y a un cerveau qui tombe par terre. Il y a eu le cerveau qui est tombé. Ouais. À la fin de l'acte 2, c'était le lustre qui tombait. Bon, voilà, c'est le cerveau. On est sur des fins d'acte pas terribles. Hein. On était habitué à un épisode philosophique. Et là, tout à coup, on se dit, est-ce que c'était pas Morgan? Puisque, après tout, il n'était pas là, tout ça. Pendant cela, ils sont bien en retard sur Willow l'enquête. Fait des recherches sur internet en tapant comme une dingue sur son clavier. Enfin, ça, c'est sauf un que on tombe sur la Jean-Marc attitude. Surtout avant, elle tapait comme une dingue, il n'y a rien qui s'affichait sur son écran. Enfin, c'est un détail, mais c'est toujours rigolo à noter. Il y a plein de détails bizarres sur les écrans. Oh, de bah oui. L'informatique, c'était pas au top à cette époque-là. Non, puis il y a eu deux dates de naissance de Buffy aussi. Oui, il y a eu dans Moloch. Dans Moloch, on en avait parlé. Moloch. On dit Moloch. Pas Moloch. Non, on dit Moloch. Normalement. Ouais, mais. Là encore, comme quand on a découvert que Sid a fui la bibliothèque, on a encore deux scènes parallèles qui vont arriver au même. À la même conclusion, on a d'un côté Buffy, Willow et Xander qui vont arriver à la conclusion que le démon est à la recherche d'un cerveau, le cerveau d'un intellectuel. Bah oui. Pendant ce temps-là, Giles parle avec le fameux Marc, le magicien. Le magicien. Là, qui lui propose un tour chelou à base de guillotine, sachant qu'il a tout raté depuis le début. La guillotine, le ça paraît une très bonne idée. Et on coupe le melon en deux, quand même, ouais. Je veux dire. Excusez-moi, il faudra m'expliquer, mais qu'est-ce qui a poussé Giles à accepter? C'est vrai que il a accepté de s'occuper du talent show, voilà. Et le gars est venu en disant j'ai un problème, ma partenaire m'a lâché. Il a rien réussi, il va pas faire ça. Jace, quand tu lui demandes un coup de main, il te dit il oui. Va. Il est trop gentil, ce Jace. Exactement. Ça le perdra. C'est à cause du costume de tweed. Il a pas le choix. Voilà, c'est comme ça, t'es obligé. C'est sûrement à cause du tweed. Et donc là, j'anticipe un peu, mais je vous ai dit tout à l'heure que Buffy et ses amis passaient toujours pour des imbéciles aux yeux du monde à cause de leur mission de sauveur. Et là, regardez, là, elle part comme ils une ont dingue. Compris. Ils courent dans le couloir en disant Jace. Il y a le mec qui passe le ménage qui les regarde. Donc d'un Jace, c'est à deux doigts de se faire couper le cerveau. On dit pas décapité du coup, on dit scalper peut-être. Décérébré, non, pas tout à fait. Un peu plus que scalper, quoi. Décervelé, peut-être. Non, parce que c'est pas cervelette. C'est comme un œuf à la coque, en tout cas. C'est vrai. C'est le principe de l'œuf à la coque. Bref, du coup, on ne comprend pas. Mais surtout, c'est que Giles se laisse complètement faire. Bah, il se doute que là, il y a un truc qui va pas quand même. Attention, Giles, je pense qu'il aurait pu se décapiter. Il aurait pu se dire qu'il y avait un problème dès le début, chérie. Il a vu la tête du melon. Un gros plaquage de Buffy, là, c'est très bon, ça. La tête de Giles, il n'y a plus qu'un fil. Un fil. Et attention, qui va le sauver? Non. Qui le sauve pour de vrai? C'est pas Buffy. Non. La baston est chouette. C'est pas Buffy qui va le sauver pour de vrai. C'est Xander. C'est Sid. Non, c'est Xander qui rattrape. C'est Xander qui le rattrape, il extrémise. Avec un plan ralenti. On ralentit très sale. C'était nul. Tac. Mais bon, voilà, effectivement, Xander a sauvé. Xander est utile. Xander est toujours utile. Vous connaissez ce jeu vidéo des années 90, à peu près la même période, qui s'appelle Phantasmagoria? Pas du tout non plus, ouais. Eh bien, il y a un jeu qui s'appelle donc Phantasmagoria, qui était un des premiers jeux de Sierra, si ma mémoire est bonne. Et il y a exactement ce genre de choses à l'intérieur de Phantasmagoria. C'est-à-dire quelqu'un qui va se faire décapiter par une guillotine. Et où il faut rattraper in extremis le fil avant qu'il ne coupe la personne. Il s'est transformé en démon dans sa boîte. Mais là, voilà. Ça, c'est cool. Ouais, génial, il y a un tour qui a fonctionné. On vous le dit souvent dans Buffy, les bastons sont maîtrisés. Et puis chorégraphiés de manière intelligente pour exprimer le thème de l'épisode. épisode. Et là, ah, Sid. Et là, c'est une baston qui utilise les codes de la magie. Donc le magicien est rentré dans sa boîte, il en sort transformé en démon que Buffy savate, accompagné de Sid qui vient mettre des petits coups de. On va lui trancher le cerveau. Il sert à rien le Sid. Voilà, on lui coupe la tête. C'est assez génial. C'est dommage, c'est un PG-13, du coup on voit pas la tête. Moi, j'aurais bien aimé savoir s'il avait ou pas un cerveau, puisque c'était ça qu'il cherchait. C'est ça. Bah, il devait être tout petit. Non, il fallait qu'il prenne plusieurs cerveaux. Une noix. Et tout ça, ça vient de se passer sur scène, messieurs dames. Mais oui, c'est la fin de l'épisode. C'était teasé dans la première scène après le générique, comme vous l'avez dit, le super talent, le talent de show de Buffy et du groupe quoi. De Buffy, c'est de défoncer des démons. C'est ce qu'ils viennent de faire sur scène. Attention, c'est leur vrai talent. Et là encore, on reprend les. Sid reprend avec son couteau pour faire le big finish, il dit. C'est ça. Pour se sacrifier. Il le sait très bien qu'il va mourir. Et là, il meurt. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il reprend. Eh bien, le rideau va s'ouvrir. Ça va, c'est dans quelques secondes, mais ça va bientôt arriver. Mais c'est ça. T'auras spoilé jusqu'au bout, Aurélie. Sid a repris les codes du spectacle également pour faire son big finish, son bouquet final par lequel il doit forcément finir son numéro d'artiste. Donc là, on a vu le plan large. Le film prend la marionnette dans ses bras. Il y a quelque chose de l'ordre de la Vierge Marie avec le bébé là. Non, c'est très beau, ouais. Et voilà, le rideau se lève. Fin d'épisode excellent. Et en même temps, et l'autre remet ses lunettes, j'adore. Mais est-ce qu'on va réussir à revoir quelque chose? Mais est-ce que c'est pas leur talent à eux finalement, Scooby-Land? Bien sûr. Si, c'est ce que dit Sartman. Bien sûr. Donc, j'appuie ce que dit Sartman. Est-ce que c'est pas un début de pièce assez incroyable, Aurélie? C'est génial. Le rideau s'ouvre, une guillotine, un démon. On arrive juste après. Et oui, puis il y a une vanne. Et puis alors après, la vanne, elle est. Ça, c'est cool dans Buffy. On n'a jamais vu ça en fait. Alors là, on est dans le générique de fin qui va bientôt arriver. Ouais, il se met en parallèle des images. Je le trouvais inutile, voilà. Ce générique de fin. Il se passe quelque chose qui ne s'est jamais arrivé, qui n'arrivera plus jamais dans la série. C'est la seule unique fois. Le générique fin en split screen. Donc vous voyez le générique d'un côté, la scène. Donc c'est Buffy, Xander et Willow qui font leur fameux numéro de théâtre tragédie grecque sur scène. Qu'ils n'ont pas appris par répéter. Ils sont très très mauvais. Bien sûr. Et donc en split, on voit que c'est complètement bricolé ce split. Et Giles qui se tient la tête comme s'il était lui-même le metteur en scène. On voit la typo, c'est pas la même que d'habitude. L'image est anamorphosée. Ouais. L'anecdote que tout le monde connaît, là, comme Willow vient de partir. C'est une impro en fait. C'est une improvisation, figurez-vous. Ça se voit un petit peu, mais voilà, ça a été raconté plusieurs fois. Tout le monde était mort de rire sur le plateau. On peut même entendre parfois des rires de l'équipe si on prête bien l'oreille. Enfin voilà, c'est une super fin d'épisode très drôle. Et pour la petite anecdote, donc pour vous préciser que donc ils sont en train de jouer la pièce Œdipe roi. Oui. De Sophocle. Sauf que au moment où la chaîne qui diffusait Buffy à l'époque a vu l'épisode avant qu'il soit diffusé, ils ont dit ok, mais bon, la dernière scène, enlevez-la. Parce que bon, on sait que c'est du Shakespeare, hein, mais bon, quand même, un type. Oh mon Dieu. Un type qui parle de coucher avec sa mère, c'est pas terrible. Oh mon Dieu. Donc ça montre l'inculture américaine, globale. Des dirigeants, j'irai pas jusque là, mais au moins des dirigeants de network. Dit l'incultivité d'ailleurs. L'incultivité, oui, c'est pas mal comme. Donc qui avait cru que c'était une pièce de Shakespeare, et non, c'est une pièce de Sophocle, et donc qui nous parle de Deep et de sa maman Jocaste. Oui. Et donc voilà, donc la scène n'avait pas été diffusée à l'époque et s'était retrouvée par contre sur les DVD. C'est pour ça maintenant d'où le split screen, d'où le truc la joue un peu dégueu. Moi j'aurais préféré que ça se termine justement sur cette image où ils sont là, ok, qu'est-ce qu'on fait, soit on improvise, soit on l'assume. J'aurais préféré que ça mais c'est ça. Marrant de les voir faire leur truc nul. Bah non. Ça m'a fait rire. Peut-être t'es dur ce soir, Clément. Clément, il a rien passé. Ça va en ce moment. Il avait dit qu'il avait pas aimé l'épisode. Ah, mais là, je l'ai annoncé tout de suite. Voilà, j'ai pas aimé cet épisode. Dès que t'es arrivé, c'est le premier truc que tu t'as dit. Je disais même pas bonjour. L'épisode est à chier. Épisode de merde. Ouais, t'as dit un truc comme ça. Bah voilà, du coup, j'assume. Jingle conclusion là, c'est parti. C'est parti. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Et bon, oui, bah. Conclusion, c'est l'heure de passer à la conclusion. Alors oui, sur le chat, on nous pose des questions sur Star Wars, évidemment, mais on a un podcast sur Buffy, hein. Arrêtez. Arrêtez immédiatement de nous parler d'autre chose. Peut-être que Clément, peut-être en fin de podcast, vous donnera son avis, peut-être. Peut-être. C'est Clément, t'apprécies un petit peu Star Wars, hein, j'aime plutôt bien. Ouais. Aurélie aussi, t'aimes bien. Moi aussi. On pourrait éventuellement parler de Star Wars plus tard. Moi, qu'est-ce que je voulais dire en conclusion, j'avais noté 2-3 anecdotes comme ça, comme Sarah Michelle Gellar qui a admis plus tard qu'elle avait fait des cauchemars à propos de marionnettes après avoir tourné cet épisode. On peut aussi noter que si vous êtes fan de Sid, vous pouvez le retrouver dans le jeu vidéo Chaos Bleeds. Tout à fait, ça, on parlait sur le chat tout à l'heure. Auquel on a essayé de jouer. Toujours pas fini ce jeu. On a toujours pas fini, je sais pas si on le finira un jour. Ah, merde. Mais donc on a fait un podcast sur ce jeu vidéo, mais vous pouvez retrouver Sid dans ce jeu, si ça vous intéresse. Également, Riley, tu voulais nous parler des marionnettes qui avaient aussi fait leur incursion dans Angel, la série sœur de Buffy. Tout à fait, il y a un épisode. Toi, tu connais bien Angel, Aurélie, ou... Un peu moins que Buffy, mais je connais Angel. Disons que j'ai fait moins de marathon Angel que de marathon Buffy. Ok, bon, comme nous, on est plus Buffy qu'Angel. Mais il y a un épisode excellent d'Angel qui est l'épisode 14 de la saison 5 qui s'appelle Smile Time. Et dans cet épisode, tu t'en souviens, Clément ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Angel se transforme en marionnette. Ah oui ! En fait, pour résumer, il y a une enquête assez chelou où en fait les enfants, en regardant une émission de télé, une émission de marionnettes, le Smile Time qui passe le matin, en fait se font aspirer leur énergie et sont dans le coma avec un sourire digne du Joker un peu, qui est assez flippant. Ça me rappelle un film, un Batman. Oui, bah c'est un peu le même esprit. Ils sont un peu de la même marque, tout à fait, le même sourire. Et donc Angel enquête là-dessus et se fait transformer en marionnette, et donc c'est excellent parce que le traitement de l'épisode, il y a des moments évidemment très drôles, mais il y a des moments hyper drama, hyper sérieux où il est en marionnette, quoi. Ouais. Et c'est évidemment David Boreanaz qui fait la voix de la marionnette. Et la scène où Spike débarque dans le bureau, c'est très drôle. Il y a une baston entre Puppet Angel quoi, et Spike dans les bureaux de Wolfram et Hart, qui est super bien filmé. Malgré tout. On aime le sentiment qu'Angel a gagné alors que c'est une marionnette. Quoi, parce que Spike est un peu KO dans l'ascenseur. On sent la supériorité d'Angel dans le combat. Alors que c'est une marionnette, c'est formidable. Et voilà, en fait, c'est un épisode co-écrit par Joss Whedon et Ben Edlund, qui a aussi réalisé l'épisode, et qui est une sorte de variation. C'est pas du tout le ventriloquie comme c'est présenté ici, c'est une autre variation, plus en hommage au Muppet Show, à tous ces shows de marionnettes qui passaient à la télévision. Parce qu'à la fin, en fait, bon, je spoil, les gens ils l'ont vu, à la fin ils se battent contre les marionnettes en fait qui sont vivantes. Et il y a par exemple une sorte de grosse marionnette toute bleue qui est hyper forte, hyper costaud du coup. Et enfin, les enjeux sont hyper importants, c'est des enfants qui sont en train de mourir. Et Angel est transformé, mais ils se battent contre des créatures ridicules. Enfin, c'est bien amené, c'est bien ça fait. Ça fonctionne vachement bien, quoi. Ça fonctionne! Et il y a ça dedans, fonctionne. Dernière remarque, dedans il y a un personnage qui est joué par David Fury, le scénariste de Buffy, le fameux David Fury. Et en fait, il joue un fabricant de marionnettes, et on découvre à la fin de la scène qu'il est lui-même marionnette. En fait, il y a les marionnettes, le contrôle en mettant, c'est atroce. Il a un trou dans le dos et les marionnettes le mettent la main à l'intérieur. On découvre que David Fury est une marionnette. Non mais l'épisode est très glauque alors qu'il y a tout un truc super drôle avec les interventions d'Angel pourtant. Bref, je vous le conseille. Je sais pas si c'est aussi bien que celui-là, mais si c'est peut-être mieux que celui-là. Ouais, moi je dirais ça aussi. Clément, Aurélie, est-ce que vous avez des choses à dire à nos auditeurs en conclusion que vous auriez pas eu peut-être le temps de dire pendant le direct qui est passé très très vite hein, comme d'habitude, des choses à ajouter ou pas? Ce que j'ai trouvé intéressant en revoyant l'épisode après avoir vu moult fois l'intégralité de toutes les saisons de Buffy, c'est la similarité du plan au moment où elle s'aperçoit que Sid est de son côté et que Sid s'aperçoit qu'il est du côté de Buffy aussi, avec l'épisode Hush, le fameux, où de façon complètement muette, Riley découvre qu'elle est la tueuse et elle découvre qu'il est de son côté aussi. Ouais, ils sont tous les deux les chasseurs, combattants, les démons. Et ça m'a vraiment. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça Alors, est-ce que c'est revenu dans la tête des scénaristes, du réalisateur, quand ils ont réalisé Hush? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'ai revu cet épisode-là de t'y as pensé. Marionnette, j'y ai pensé. Parce que tu connais très bien Hush, hein, peut-être aussi. Hein. Hush est un de mes épisodes préférés. C'est peut-être pas. Enfin, j'ai plusieurs épisodes préférés. Hush en fait évidemment partie. Ah, mais justement, on va y venir parce qu'on va passer à la rubrique de l'invité. C'est parti. On a tout dit là sur l'épisode du jour. Oui, excellent épisode. Moi, j'ai trouvé super mise en scène, tout ça. Il faut. J'adore. Gagner à être vu. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez évidemment. Okay, bon. Je sais pas si je l'ai dit, que pour moi, je trouve que la réalisation de cet épisode est très bien faite et qu'elle a beaucoup de références cinématographiques. Et que malgré l'absence de moyens et du fameux juste un couloir et les plans serrés, etc., ils font preuve d'inventivité et que ça reste quelque chose de très dynamique et de très contemporain et regardable aujourd'hui. Pourtant, la série, elle a 22 ans, 23 ans. Je ne sais plus bien où est-ce qu'on en est là maintenant. 22 ans. Quand même, ça reste d'actualité, à la fois par les thématiques abordées et en même temps par rapport à la réalisation. C'est ça. Comment est-ce qu'on réussit à faire quelque chose qui va être de qualité, durable, inventif, tout ça, avec très peu de moyens. Que dalle. Et ça me rappelle ce que disait Orson Welles, justement. C'est-à-dire que moins vous avez... Notre maître. Oui, mais moins vous avez de moyens et plus vous êtes inventif, et plus vous en avez et moins vous l'êtes. Vive la contrainte. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que plus on a de contraintes et plus on est obligé de trouver des astuces, plus on est obligé de composer avec la réalité, avec ce qu'on a, et pour arriver à être créatif, à intéresser les autres et aller dedans. Quand on a pléthore de moyens, des fois on fait de la merde. Gros bisous à Georges Lucas. Hein. Ouais, j'étais sûr. Voilà, mais j'étais sûr. Alors, mais c'est tellement énorme. Je suis désolée. Je suis super partagée par ce qui vient d'être dit, parce que je suis une fan de Star Wars. Mais ça devient et que cliché. Là, pour le coup, je ne peux pas dire complètement que je ne suis pas d'accord, et en même temps, je suis obligée de le défendre. Donc c'est compliqué. C'est l'exemple parfait, Georges. Je ne sais pas, Neil Blomkamp, pour le coup, qui, une fois qu'il a eu plus de budget, c'était moins intéressant ce qu'il a fait. Christopher Nolan. Alors attends, faudra qu'on en parle après. Aurélie, pas un podcast sur Christopher Nolan. Voilà, on en parle. Bref, oui. Bon, gros bisous à tous ces gens qui ont commencé sans moyens à pas faire des trucs cool. Non, et que dès gros qu'ils... bisous aux gens qui n'ont pas de moyens aujourd'hui. Voilà. Soyez créatifs. Le seul qui n'y arrivait pas, c'est Ed Wood. Mais bon. Parce qu'il était mauvais. Alors que Joss, il est talentueux. Rebug de l'invité, messieurs dames. Allez, vas-y. Allez, go. Oula. Jingle. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Eh gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Rubrique de l'invité. Aurélie, t'es prête à répondre à nos questions? Oui. Tu sais qu'on est des grands intervieweurs. Il y a deux semaines, on a interviewé des vedettes américaines. Ok. On a interviewé, ça veut dire que je réponds en anglais? On a interviewé. Non, non, please don't. Mais okay. On a interviewé Andrew Ferchland, hein, qui a joué le juste des justes. Mais ouais! On a interviewé Amber Benson, qui a interprété Tara dans la série. God. Et alors, moi, j'étais pas le là. Le juste mais... des justes, mais il a quel âge maintenant? Il a 18 ans. Il a une trentaine d'années. Oh mon dieu. Il est de 80. Il nous a vous dit. Vous l'avez reconnu? Il nous a dit son oui. année naissance. En vrai, je me oui. rappelle plus. Et donc, vous, messieurs, vous avez interviewé une petite amie de Jace, hein, c'est ça? Tout à fait. Bon, bref. On n'a pas vu Amber. Tout ça pour dire qu'on est des spécialistes de l'interview. Attention, Ray. Okay. Donc, non, on a c'est pas du tout vrai. Il y a une question sur le chat. Rayleigh, t'es responsable chat. Donc, il faudra poser oui, les questions dans le chat. Ouais, on regarde. Moi, je vais commencer par un truc important. On a nos questions rituelles auxquelles on reviendra. Mais là quand même, on vient de parler de marionnettes pendant plus d'une heure. Oui. Il faut qu'on parle clairement de ton actualité. Il y a complètement un lien avec les marionnettes. Donc on l'a dit, tu es metteur en scène de théâtre. Oui. Tu es directrice artistique de la compagnie Sans Édulcorant. Oui. Et là, il se passe un truc assez incroyable, c'est que tu viens de monter une version de l'opéra Hansel et Gretel avec des marionnettes. Oui. Est-ce qu'il faut que tu nous en parles absolument? D'accord, je vais essayer. J'ai eu envie de monter un opéra depuis un petit moment, et en marionnette parce que ça fait 3-4 spectacles que je monte avec des marionnettes. Et donc là, j'ai deux artistes lyriques qui manipulent les marionnettes, qui chantent en même temps qu'elles manipulent les marionnettes et qui sont accompagnées par un vibraphoniste. Donc la difficulté, c'est pas les mêmes marionnettes que Sid. Sid oui. S'apparente presque à une marionnette à gaines, puisqu'on met les mains à l'intérieur, qui on fait bouger la bouche avec les mains à l'intérieur, on fait bouger éventuellement les bras. Et en plus, on est dans le ventriloquisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger sa propre bouche pour faire croire que c'est la marionnette qui nous parle et où on est dans un dialogue. Là, en l'occurrence, ce sont des marionnettes qui manipulent les marionnettes, donc des chanteuses lyriques qui se transforment en marionnettes et qui. Ouais, elles font les deux en même temps et qui chantent en même temps et qui manipulent les marionnettes. Donc elles sont, ce sont des marionnettes à bâtons avec des espèces de personnages qui permettent d'articuler la bouche et de faire les labiales et ce genre de choses. Et en même temps de pouvoir bouger les bras, les jambes et les déplacer. C'est complexe, hein, ça donne des choses très jolies, très poétiques. Et l'accompagnement au vibraphone permet aussi d'instaurer une dimension un peu différente que ce qu'on pourrait avoir au piano, par exemple. Voilà. Et c'est pas des marionnettes flippantes à l'acide. C'est quoi? Alors, c'est plutôt Annabelle. Ça dépend du spectacle, j'imagine. Les marionnettes sont toujours flippantes. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est un peu comme les clowns. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte depuis des années que je travaille en jeune public et notamment avec des marionnettes que les enfants ont souvent peur des marionnettes parce que leur visage est figé. Et dès lors qu'un visage est figé, ça fait peur. Donc le clown, c'est figé parce que il est tout en blanc et on voit pas de rides, on voit pas ses traits du visage, on voit pas ses expressions différentes, on voit juste une espèce d'immense bouche rouge avec des dents et ça fait très très peur aux enfants. Puis parfois ça déclenche des phobies. Et les enfants ont souvent peur des marionnettes et c'est quelque chose qu'on peut aussi garder parce que on est en face de quelqu'un qui représente un être humain, mais qui ne bouge pas, et qui semble inanimé, et qui pourtant va émettre un son, et va émettre des sentiments, va émettre des émotions, va nous faire ressentir des émotions, et c'est ça qui est compliqué parfois à gérer. Et puis c'est ce qu'on avait dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi. Exactement ce qu'on a aujourd'hui. On l'a au. À un moment donné, Buffy dit au tout début où on voit Sid, ah non, moi j'aime pas trop les marionnettes, et oui, non, mais pourquoi ? Non, j'ai vu une marionnette un jour, j'ai trouvé ça nul, et maintenant j'aime pas ça. Enfin, il n'y a pas d'explication, quoi. Elle trouve ça bizarre. Et ce que je trouve intéressant dans Sid, c'est qu'il y a ce qui est articulé, ce qui bouge, c'est à la fois évidemment ses bras, ses jambes qui sont complètement mous, hein, c'est mou, c'est sa bouche qui s'ouvre et qui se ferme, mais c'est aussi ses sourcils qui bougent. Ouais. Et ses yeux. Ses yeux, ouais. Et ses yeux ont quelque chose qui, pour moi, se rapproche non pas des marionnettes, mais des poupées. Parce que c'est les poupées qu'on incline et dont les yeux se ferment parce qu'il y a une espèce parce de mécanisme qui se met en place. Voilà. Quand tu les relèves, tac, ça s'ouvre. Exactement. Je trouve que ce qu'il y a de plus flippant dans Sid, c'est pas sa bouche qui s'articule et dans laquelle il peut parler, mais ses sourcils, ce sont ses yeux. C'est vrai, ses sourcils bizarres. Qui bougent. Et alors, pour rester sur donc ta création là de Hansel et Gretel, je me demandais comment on fait par la mise en scène, peut-être avec l'éclairage, avec des costumes. Enfin, est-ce que t'as des petits tips pour donner vie, parce que j'imagine que c'est tout l'enjeu de ce genre de spectacle. Comment tu fais pour donner vie à des marionnettes? Alors, ce qu'il y a de fabuleux avec une marionnette, c'est que elle n'a presque pas besoin de bouger pour exister. Et c'est ce qui rend d'ailleurs les comédiens fous de rage quand ils ont à jouer avec des marionnettes. C'est que la marionnette est là, elle est là. Alors que eux, il faut qu'ils existent pour être là. Alors que la marionnette est déjà là. Donc il n'y a pas besoin de faire tant de choses. Non, pas du tout. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et il suffit de la bouger un tout petit peu pour qu'elle existe, mais vraiment c'est un millimètre, hein. C'est absolument rien. Donc le maniement d'une marionnette, c'est pas quelque chose de saccadé, c'est quelque chose qui est très fin au niveau du poignet, c'est de la transmission entre son bras, son poignet et puis sa main, et qui va ensuite donner un mouvement assez naturel aux marionnettes pour qu'elles puissent donner l'illusion d'être vivante. Et il y a des tas de gens qui pensent qu'elles sont vivantes. C'est pour ça que c'est aussi flippant quand on voit Sid, parce qu'on se dit mais en fait c'est possible. Attendez, non, c'est pas possible. C'est dommage que les auditeurs. On va avoir un spectacle quand même. Non, on sait que c'est des marionnettes. Vous voulez m'empêcher de dormir en fait. Auprès d'un jeune public, je pense que c'est ça. Ça doit marcher. Parce que ton spectacle s'adresse à tout public. Alors, Hansel et Gretel à tout public, mais j'en ai réalisé un autre avant qui s'appelle La Princesse en sommeil avec une marionnettiste qui a d'ailleurs créé les marionnettes de Hansel et Gretel. Et qui, cette fois-là, dans La Princesse en sommeil, non seulement a créé les marionnettes, mais c'est elle qui les manipule et qui joue. Tout le spectacle avec. D'accord. Il y a 5 ou 6 marionnettes, je ne sais plus, 6, 7. Et elle fait tous les personnages. Donc, il faut travestir sa voix, il faut changer, etc. Et tout est une question de manipulation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à transmettre à ses mains des émotions, des sentiments et des choses. Et ça fonctionne. D'accord. Moi, elle, en répétition, elle a déjà réussi à me faire pleurer sur des, sur des choses extrêmement fines parce qu'il y a des choses qui se passent et que la relation à la marionnette se fait. C'est à la fois un objet inanimé et en dehors, c'est un objet et du coup ça devient un réceptacle qui à la fois prend vie et émotion. Mais réceptacle, c'est intéressant parce que est-ce que aussi on va pas avoir tendance à projeter des trucs à nous sur le cet déjà objet, dans en fait. Toute fiction on projette des choses à nous dans toute fiction et encore plus là. Oui, oui. Parce que justement, c'est inanimé et on se dit, voilà, on peut. Quand Yoda il meurt, mais j'allais parler de Dark Vador ou de Yoda, ça c'est pareil, c'est des trucs qui ça bouge pas, le visage en tout cas. R2-D2, c'est encore plus flagrant. Exactement, ouais. C'est un objet qui tourne dans tous les sens. Et qui va, comme Yoda quand même. Ce qui pousse plus loin encore le théâtre de marionnettes, c'est le théâtre d'objets où on va prendre des carrés, des cubes, des machins, et on va réussir à donner une émotion à un objet qui est un bête carré ou un cube ou un tonneau. Selon comment il bouge, ça traduit une émotion. Exactement. Mais avec des mouvements très minimes. Ce sont des choses qui sont très minimes et qui vont s'accompagner aussi du son. Donc ça peut être soit de la musique, ça peut être aussi ce qu'on dit, ça peut être comment on le dit, ça peut être des lumières, parce que dans mes spectacles, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis presque une douzaine d'années maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller partout dans mes spectacles pour que les gens qui se retrouvent au fin fond du Larzac ou de la Creuse puissent voir le même spectacle exactement que ceux qui se retrouvent à Lyon ou à Paris dans une salle. Il n'y a pas de raison. Et donc, qu'ils aient droit aux mêmes lumières. Mais ils ne sont pas toujours équipés pour. Donc, du coup, j'ai intégré toutes les lumières à mes spectacles. Donc quand je me déplace, je me déplace avec les lumières qui sont intégrées au décor. Ah, d'accord. Tout est léger, tout est fait pour que on puisse voir la même chose dans n'importe quel endroit, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et les marionnettes participent forcément aussi à ça. Et il y a même eu une période où je me suis dit, et si on pouvait réussir à faire que la lumière soit une partie des marionnettes, ça serait génial. Et j'en suis pas encore là. Des ampoules sur les marionnettes. Alors oui, il y a ça d'ailleurs dans Hansel et Gretel, parce que j'ai une des marionnettes qui se déplace dans un endroit où il fait nuit. Et elle arrive pour lancer l'aube. Et j'avais pas envie de l'éclairer autrement, mais il fallait quand même qu'on la voie. Donc du coup, elle a son propre éclairage porté sur elle. Alors où est-ce qu'on peut voir ça ? Il faut absolument voir ça. Alors, dis-nous. Bah, pour l'instant, le meilleur moyen, ce sera d'aller sur notre page sur Facebook. Donc sur laquelle est-ce ? Compagnie sans édulcorant. Voilà. Ou sur le site de la compagnie sansédulcorant.net pour le savoir. Sinon, on va jouer dans le sud de l'Essonne à Hydeville fin novembre. Bon, ça sera notre première représentation. Et après, on a 4 dates qui ne sont pas encore tout à fait fixées à Romainville dans le 93. On l'a pas précisé, mais donc, c'est une version donc, de l'opéra qui est déjà une adaptation du conte. Alors, l'opéra est une adaptation du conte des frères Grimm. C'est ça, Et moi, je fais une réadaptation de l'opéra parce que l'opéra dure 2h40. Et là, on en fait quelque chose qui fait moins d'une heure. 5h12, ça fait moins d'une heure. Ça fait 55 minutes. Okay. Donc, on a résumé l'intégralité de l'histoire donc, où ces enfants se retrouvent dans la forêt. Puis après, au bout d'un moment, ils font comme tous les enfants. Hein, ils s'amusent, ils mangent les fraises des bois. Puis, le soleil est couché. Et où est-ce qu'on est on ne sait pas. Et quand ils se réveillent le lendemain, ils découvrent cette maison de pain d'épices géniale qui commence à grignoter dans tous les sens. Et une gentille, fantasme. Bonne grand-maman qui leur dit « Mais venez, je vais m'occuper de vous », et puis ils y vont parce que c'est sympa. Évidemment. Pour une fois que quelqu'un leur dit on va s'occuper de vous, ils y vont. Et ils y vont, ils se font évidemment attraper par une sorcière dévoreuse. Voilà, mais je ne dis pas la suite. Tout le monde connaît un peu l'histoire. Pour voir la suite, il faudra aller voir le spectacle. Exactement. Voilà. Donc, vous avez d'autres questions sur. Est-ce que tu travailles avec des vrais humains, des êtres humains aussi, qui ne sont pas des marionnettes, des démons. Ça t'arrive de me faire de la mise en scène avec des êtres humains ? Oui, en ce moment, j'ai un autre spectacle, c'est pas par ma compagnie, mais qui s'appelle Le conseiller du député. D'accord. Et qui se passe tous les samedis à 21h au Darius Milhaud, avec la compagnie du Grain de Sel. Donc, il y a 4 personnages sur scène. C'est à Paris, ça, le Darius ? Ouais, c'est un boulevard, ça se trouve. La pièce est un boulevard et le spectacle se passe. C'est 80, pardon, allée Darius Milhaud. Ok. À Porte de Panda. Et j'ai vu que donc, tu travaillais très souvent pour des spectacles pour le jeune public. Est-ce qu'il y a une différence entre mettre en scène pour des jeunes ou pour des adultes? Est-ce qu'il y a des choses différentes ou pas? Non, pour moi c'est la même c'est la même exigence. J'ai même dire que je pense que le jeune public est beaucoup plus exigeant que le public adulte. Tiens donc. Parce que le public adulte, il peut avoir une forme d'indulgence que le jeune public n'aura jamais. Bien sûr, évidemment. Les enfants sont formidables. Le jeune public n'aura jamais. C'est-à-dire qu'un enfant, on a beau essayer de lui dire, tu sais, là, normalement, faut que tu ris. Là, c'est drôle. Si, s'il n'a pas envie de rire, parce que ça le fait pas rire, il rira jamais. Mais jamais. Même si on le paye à l'avance avec des bonbons ou je ne sais quoi d'autre, ça ne marche pas. On ne sait pas. Hein, les enfants, ils rient de choses, on ne sait pas pourquoi. Parce que parfois, le public adulte, moi, je vois ça, t'entends, quand je vais voir, où tu vas voir des films qui sont estampillés comédie, où tu vas avoir des pièces. Et qui vont faire. Qui vont se dire, ah putain, j'ai travaillé toute la journée. J'ai payé un ticket pour rigoler. Et donc là, je vais rire. Donc, mais l'enfant, lui, non, faut. Non. Oui, t'as raison. Ça marche pas. Oui, quand c'est drôle, c'est drôle. Il n'y a pas plus exigeant pour moi que le jeune public. Mais et c'est marrant parce qu'on en parle souvent quand on parle de Buffy, quoi, qui était une série qui était pour les adolescents. Oui. Et mais qui, moi, je l'ai répété mille fois, c'est que sa force, c'est qu'il ne prenait pas les adolescents pour des débiles, quoi. Il leur parlait comme à des adultes. C'est pour ça que moi, j'ai découvert Buffy. Je devais avoir 24 ou 25 ans. Et ça a complètement fonctionné avec moi puisque je l'ai vu, je l'ai aimé, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que ça me parlait à plein de choses. Alors peut-être parce que je continuais moi à travailler aussi avec des adolescents, parce que outre le fait de créer des spectacles pour le jeune public, j'en crée avec du jeune public. D'accord, ah oui. C'est-à-dire que je travaille avec des jeunes qui vont être soit des enfants, qui vont être en élémentaire jusqu'en CM2, ou des collégiens, ou des lycéens, et que du coup, j'ai aussi d'eux une exigence que je vais avoir, la même que je vais avoir avec les adultes. Alors évidemment, je sais bien qu'ils n'ont pas les mêmes outils, les mêmes techniques, que ce n'est pas moi qui vais leur enseigner, mais le but du jeu, c'est qu'en finalité, quand on va présenter le spectacle, ils seront aussi fiers d'eux que pourront l'être des adultes. Est-ce que par hasard, donc on l'a compris, hein, t'aimes beaucoup Buffy, Joss Whedon, j'imagine. Oui. Est-ce que ça t'influence dans ton travail, ces œuvres de Joss Whedon? On espère que oui, quand même. Pas forcément. Non, mais non, je plaisante. Surtout cet épisode avec Sid. Je sais pas si ça m'influence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Buffy fait partie de ces héroïnes qui m'ont construite en tant que je suis une femme, je veux travailler dans un milieu d'hommes. Je continuerai à dire que je suis metteur en scène et pas metteuse en scène parce que mon sexe n'a rien à voir dans la fonction que j'exerce. Je suis bien d'accord. Et Buffy fait partie vraiment de cet univers-là, au même titre que la princesse Leia, au même titre que Ripley dans Alien, au même titre que Scarlett O'Hara, tu nous as dit. Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Scarlett, elle se prend beaucoup de tartes quand même de la part de. Oui, mais elle se relève toujours. Oui, Et elle se relève toujours sans un homme. Elle va se servir des hommes parce qu'elle est dans un milieu qui ne lui permet pas. Elle utilise le contexte. Elle va utiliser le contexte. Évidemment. Mais sinon, c'est pas grâce à eux qu'elle arrive à s'en sortir. C'est grâce à elle. Et c'est exactement ce que fait Buffy. J'ai revu, parce que comme. Je savais que je venais ce soir, j'ai revu l'épisode, du coup j'ai commencé à revoir toute la saison 1 et puis j'ai embrayé sur la saison 2. Allez, t'as glissé sur la 2. Pour un nouveau marathon. Oh, c'est que j'ai un épisode de plus. Et donc j'ai fini tout à l'heure sur la saison 2 et les épisodes d'Akatla. Et le moment où Buffy affronte Angel, qui est donc Angelus, et il pense la voir au bout de son épée, et ce moment où elle est dans la lumière du soleil, pas lui, dans ce château où elle est désarmée et où il est en train de savourer son espèce de triomphe, disant, mais tu n'as plus rien, je t'ai tout pris, t'es complètement à tort, et il est prêt à l'embrocher, et là elle a réussi à lui attraper l'épée entre ses deux mains, elle lui fait moi. Oui. Ouais, c'est et bim voilà. Et voilà, et bim. Moment génial. Vivement qu'on fasse Becoming. Hein. Il faudrait le commenter celui-là. On va finir avec les questions rituelles hein, qu'on n'a pas encore abordées. Parlons un peu Buffy encore. Quel est ton épisode préféré, Aurélie? Alors, le préféré, mais c'est le préféré de tout le monde, c'est Hush. Et juste derrière, j'ai plutôt envie de parler de cet épisode dont je ne sais jamais le nom. Je ne sais même pas dans quelle saison c'est, peut-être la 6. C'est Normal Again, non? C'est quand elle est dans l'hôpital psychiatrique. C'est celui où elle est dans l'hôpital psychiatrique. On en a parlé avant l'ouverture des micros. Où elle se réveille, sa mère lui dit mais Buffy, je sais pas quoi. Enfin, son père est là et elle comprend rien. Et je trouve que cet épisode est génial parce que il arrive à préparer la possibilité d'une annulation et que ça tienne quand même la route. Non, mais oui. Voilà. Non, tu peux pas tenir la route, tu peux pas finir sur un hôpital psychiatrique. Je trouve ça... Non, bien sûr qu'on n'a pas envie de... Mais l'épisode est génial, il permet d'induire ça, il permet d'induire la possibilité de... Est-ce qu'on a tous rêvé? Est-ce qu'on est dans ses fantasmes à elle? Est-ce que c'est complètement différent? Et c'est marrant parce que je suis allée voir il y a 3, 4 ans, je ne sais plus, la version de Cyrano de Bergerac de Poitiers avec Philippe Torreton à l'Odéon. Okay. Philippe Torreton, Cyrano de Bergerac, et ben j'ai pensé à cet épisode-là de Buffy. Ah. Parce que ce qu'en fait Poitier, c'est justement de mettre Torreton et le personnage de Cyrano de Bergerac dans un hôpital psychiatrique, dans une espèce de boîte noire, et où à la fin, on a le sentiment qu'en réalité, on a été tout du long dans le crâne de Cyrano de Bergerac. Cool. Et j'ai pensé à cet épisode de Buffy. Évidemment, voilà. Et donc l'autre question rituelle, comment tu as découvert la série? Le samedi soir M6. Oui, voilà. Comme, et les samedis comment... fantastiques. Voilà. Trilogie. Voilà. La trilogie du samedi. Voilà, c'est ça. Merci. C'est un peu loin. Alors là, il se passe un truc complètement génial. Changement de conducteur. On change priorité au direct. Vous allez, messieurs dames, assister à une nouvelle rubrique. Alors attention le chat, tenez-vous prêt. Ingrid sur le chat bien sûr. Écoutez et, salut. Et arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire le chat. Et là il se passe quelque chose d'incroyable. Pour les gens ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. On ne passe pas à la rubrique si t'aimes Buffy tu vas aimer ça. On passe à la rubrique de Clément. Toute nouvelle rubrique qui s'appelle comment Clément? La rubrique de Clément. Et c'est une rubrique pour laquelle il n'y a même pas encore de jingle. Bah non, c'est parce que c'est nouveau. Allez, attention, on essaye. On t'en fait un. On essaye. Attention, c'est la rubrique de Clément et c'est maintenant. Alors, pour ma rubrique, je suis équipé de mon complice Jean-Marc. Jean-Marc, une marionnette, évidemment. Hein. Alors, attendez, je la mets. C'est pas facile. Ah voilà. Alors, comment ça va aujourd'hui, Jean-Marc? Ça va bien, tête d'aran. Oh, bah dis donc, Jean-Marc, tu es pas vraiment de bonne humeur. Bah non, carrément, je sors du manif des Gilets jaunes et je voudrais parler de Macron et de son rapport à l'hégémonie du système capital. Oh, pop. Non, stop, on annule tout, Jean-Marc. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui sur Sunnydale FM? Ah. Eh bien, aujourd'hui, Clément, la police a découvert un nouveau lycéen mort dans un casier. Notons que c'est la 56e victime depuis le début du mois. Ah là là, 56, ça fait beaucoup, Jean-Marc. Oui, en effet, les spécialistes s'accordent à dire que 56, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais, plus important, Clément, les précédentes victimes portaient généralement deux traces de dents sur le cou et leur corps était partiellement asséché. Vous voulez dire qu'ils ont été sucés à mort, Jean-Marc? Vous me l'enlevez de la bouche, Clément. Ceci dit, nous pouvons... ouais, je suis pas fier. Ceci dit, nous pouvons noter un mode opératoire équivalent sur Marlon F, 16 ans, qui a été dépecé et retrouvé dans les frigos du réfectoire, qui a donc été fermé de 10h30 à midi. C'est donc avec stupéfaction que cette fois-ci, c'est le corps de Emily S qui a été retrouvé sans vie, tué semble-t-il à l'aide, tenez-vous bien, d'un couteau. Je sais, c'est incroyable. La police est perplexe. Eh ben, je vous remercie, Jean-Marc. Vous nous tenez au courant si vous avez des nouvelles. Comptez sur moi, Clément. Ah, attendez, une dépêche vient de tomber. Priorité au direct, on m'informe que le rayon jouet du supermarché de Sunnydale a été dévalisé et une dizaine de poupées Barbie ont été retrouvées sans vêtements. Allez comprendre. Voilà. Ici, Jean-Marc, en direct du lycée de Sunnydale. À vous, Clément. Eh ben, Clément, passe la parole à Sartman. Ah, c'est d'accord. Donc c'est perturbant, c'est que t'avais pas de marionnette dans la main, mec. Mais bien sûr que si, parlais avec ta voix tout à l'heure, tu la voyais pas. À l'audio. Ouais. Ah non, mais si, c'est depuis tout à l'heure. Ce qui était vraiment perturbant, c'est qu'on n'a pas senti le changement de voix. Mais ça, il fallait changer de voix. C'était très subtil. C'était de la ventriloquie. Moi, c'était visuellement. C'était visuellement très fort. À l'audio, en tout cas, c'était visuel. Hein. Effectivement, ouais. Tu nous as fait voyager à travers les oreilles. Merci Clément pour cette nouvelle rubrique. Donc, c'est une rubrique dans laquelle. Voilà. Et la prochaine sera beaucoup plus drôle. Et sur laquelle Radio Sunnydale nous donne des infos sur Sunnydale, c'est ça? En direct, live. Tu lances Radio Sunnydale? Ouais, non, mais là, bon, c'était pas terrible. Hein. Je vous laisse en parler avec Aurélie. Et tout de suite, donc, comme promis, on passe à la rubrique suivante, la dernière du podcast. Hein, c'est bientôt fini, rassurez-vous. C'est la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Et c'est reparti pour un jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Passons maintenant à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Donc je vous rappelle, on vous conseille des œuvres plus ou moins en rapport avec la série que vous aimez bien, Buffy contre les vampires. Et normalement, ça peut vous plaire. Alors moi, je vais commencer et je vais vous parler d'un film. Mon micro, je règle mon micro. Un film qui s'appelle You Might Be the Killer, comédie d'horreur de 2018, réalisé par Brett Simons. Il se passe des trucs. Le chat est en délire sur la rubrique de Clément. Bah, je finis mon petit billet et après je regarderai le chat, promis. Donc, Jean-François n'a pas de mots, c'est de dire à quel point c'était génial. Hey, les gens sont soufflés, hein, vraiment, ouais. On demande si c'est un one shot ou s'il y aura une suite. Moi j'aime, il n'y a pas que la police qui est perplexe. Oui, c'est... Pitou, bah, nous soir. Aussi, Monsieur Pitou, on est perplexe, nous aussi. Alors, moi, je suis pas du tout perplexe. Alors, je vous parle de You Might Be the Killer. Donc, un film de 2018, c'est à mi-chemin entre la parodie et le méta-film d'horreur. On y retrouve Fran Kranz, qu'on connaît dans le Weddenverse. Il a joué dans Dollhouse, dans Cabin in the Woods. Dans Much Ado About Nothing, donc des œuvres de Joss, et il y a également la femme de Big M, il y a Alison Hannigan dans le film. Déjà dit sur le chat, hein, il est au taquet. Il est déjà au taquet. Hein. Il est la carrière de sa femme quand même. Ben, je comprends. Donc qui dit parodie dit histoire assez classique. Hein, on est sur de la colonie de vacances, hein, perdue dans la forêt, loin de tout, avec des jeunes et beaux moniteurs et monitrices de colo qui on y rajoute un tueur masqué armé d'une machette. Et c'est parti pour une série de meurtres. C'est une machette. Voilà, certains... C'est la machette, hein. Non, c'est un couteau. Un couteau. Oula, gros débat à ma droite. en tout cas, il y a beaucoup de meurtres. Certains très marrants, d'autres un peu plus convenus dans ce film. Fran Kranz, donc on adore, est toujours aussi cool. Il joue un jeune débile maladroit et effrayé. Allison est quant à elle campe une vendeuse dans une sorte de magasin geek vidéo, comics, jeux, on sait pas trop, enfin plein de trucs. Et donc forcément c'est une spécialiste du film d'horreur. Et donc quand un vrai tueur en série débarque dans le camp de Fran, eh bien Fran il fait quoi? Il appelle sa pote Willow au téléphone. Et donc le film se déroule dans ces deux espaces, dans la forêt Fran et dans sa boutique Willow qui donne des conseils. Allison Hannigan, il l'appelle Willow parce que le mec il connaît pas le nom du personnage. Le week-end dernier on a vu que Xander, hein, pour le coup. Allison Alors Hannigan, c'était Nicholas Brandon. Allison Hannigan, donc il donne des conseils pour rester en vie. Donc au début c'est un film assez classique, hein, ce genre là qui se moque gentiment des codes de l'horreur, on a vu ça mille fois, surtout ces dernières années. Mais après 15 minutes de ce film, il se passe un truc assez cool que je ne vais pas vous dire. Ah. Parce que c'est un petit peu. Bien twist, quoi. Et ça devient très très cool. Ah. Là, ça rend le film beaucoup plus intéressant et assez original à mes yeux. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est dans le même esprit que Cabin in the Woods. Ce genre de concept. Qui est un peu pareil. Eh ben, je te dis, Cabin in the Woods, plein de trucs comme ça, c'est pareil. Et là, t'as un truc un peu original, okay. Je trouve, voilà, qui sort. Ben, comme Cabin avait son originalité oui, propre. Oui, c'est un twist qui faisait que c'était pas c'était, que du cliché. Quoi. C'était plus au troisième acte. Là, ça arrive dès le début, le petit twist. Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, attention, faut pas non plus s'attendre au film de l'année. Hein, c'est pas un peu extraordinaire. Mais voilà, voir deux copains du Weddenverse dans un concept un peu original. Et avec le message méfiez-vous des gens un peu coincés, tout ça, ça suffit à en faire un film assez cool. 1h27 en plus, ça se regarde bien, c'est pas trop chiant. C'est rigolo et original. 1h27. Et je vous l'ai dit qu'il y avait Allison Hannigan dedans. Ouais. Donc, non, tu vous as dit qu'il y avait Willow. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à You Might Be the Killer, donc film de 2018. J'ai lu que c'était adapté d'un thread Twitter. Et ben oui, tu m'as dit ça, Riley. Je ne suis pas au courant. Je me suis pas plus renseigné que ça sur. Les ce mecs, film, ils ont écrit un truc sur Twitter et c'est devenu un scénario. Donc François Descraques, il a fait la même chose. Mais il a fait un roman, c'était pas un scénario. Non, mais surtout c'est complètement un scénario de film. Quoi. C'est parti d'un Twitter. C'est un film concept. Quoi. C'est complètement. Ouais, d'accord. Tout repose sur le concept. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, sur le concept. Aurélie, t'avais un système Buffy, tu as aimé ça, toi, je crois. Oui, voilà. Alors, moi, j'aime Buffy, donc forcément... Forcément, j'aime Angel. Forcément, oui, bien sûr, j'aime Angel, j'aime plein de trucs, tout ça. Mais on parle pas souvent de Farscape. Farscape. Alors voilà, on en a parlé de science-fiction, ouais, tout à fait. Australienne, c'est une série science-fiction australienne, tout à fait, que j'ai découvert complètement par hasard en 2007 et ça faisait déjà 2, 3 ans, 4 ans qu'elle est, qu'elle était diffusée. Et c'est pas tant les animatroniques, c'est-à-dire l'équivalent des marionnettes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'animatroniques marionnettes. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul humain au début et que des marionnettes, non? Ah non, non, il y a un humain. Il y a un humain et un humain de sexe féminin. Il y a deux humains, quoi. Non, il y a un humain. T'as vu la série, ou pas? J'ai vu la saison. J'ai oublié. T'as un humain et après, tu as des extraterrestres qui sont joués par des êtres humains. Mais tu as t'as vraiment deux animatroniques qui sont prégnants, personnages qui sont des personnages importants et principaux et qui sont très très chouettes. Enfin le rôle qui est j'ai pas envie de vous dévoiler le truc parce qu'il faut le voir, mais c'est vrai que Farscape, moi ce que j'ai aimé, le fait que ça nous envoie très très loin, que ça réfléchisse beaucoup sur l'être humain, le rapport à l'autre, la différence, le chez-soi, le comment ça se passe, le et qu'est-ce que c'est que les rapports avec des gens qui ont des cultures, des cultures, des langues différentes, des manières de voir différentes, des capacités différentes. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et moi, ça m'a transporté ailleurs. Voilà. Ouais, parce que pour pitcher vite fait, c'est un humain qui se retrouve propulsé très très loin dans l'espace et qui va et qui se retrouve à faire équipe avec donc il y a 4-5 autres personnages, des prisonniers. Ils sont tous d'une race différente, hein, comme tu tous, dis. Tous. Et ils sont obligés de faire équipe en fait. Tous veulent rentrer chez eux. Ouais, exactement, Et ils sont obligés de faire équipe parce qu'ils sont dans le même vaisseau spatial pour arriver à rentrer chez eux. Mais et ils peuvent pas vraiment se blairer, hein, tout ça. Au départ. C'est surtout qu'au départ, lui, quand il arrive là-dedans, c'est vraiment le chien dans un jeu de qui, c'est un humain, il comprend rien. Donc les scénaristes ont eu l'intelligence de mettre en place une espèce de petite puce qui se greffe, on ne sait pas très où, trop où dans le cerveau, la langue, mais peu importe, et qui permet de comprendre toutes les langues de manière instantanée. J'ai trouvé ça génial. C'est magique, c'est pratique. Le poisson, c'est pratique, le poisson en H2G2. C'est un twist scénaristique, mais ça fonctionne vachement bien. Et mais oui, Farscape, moi j'ai vu cette série aussi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment adoré, et avec des références au départ à la quête d'Ulysse qui essaie de rentrer chez lui, qui n'y arrive pas, et qui passe de monde en monde. Oui, c'est complètement l'Odyssée. C'est complètement l'Odyssée. Puis qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui se passe dans la série et où il y a un arc qui va se créer pour toute une série sur plusieurs saisons. Et pour faire un petit lien avec Buffy, je soupçonne les créateurs d'être un peu fans de Buffy parce que il y a quelques références à Buffy dans la série. Le héros là, le type fait de temps en temps référence à Buffy en disant je suis pas Buffy ou je suis pas machin. Ça devient dans le langage que les personnages ont vu la série, quoi. Mais oui, parce que ça passe après, le personnage qui arrive, il est empreint de culture pop. C'est un mec se retrouve catapulté mais par hasard parce qu'il essaye un truc scientifique, et puis il se retrouve vraiment par hasard catapulté à l'autre bout de l'univers, très loin de chez lui, très loin de tout, et donc tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a lu en magazine, ses références à lui, et donc il en sort de temps en temps, et Buffy sort de temps en temps. Ça arrive à plusieurs reprises. Je suis d'accord avec Ingrid qui dit que cette puce, ça serait dommage, c'est dommage que ça n'existe pas en vrai, quoi. Effectivement, ce serait pratique. La puce dont tu parlais, c'est tellement bien d'apprendre une langue étrangère. Pour arriver à se comprendre, voilà. Le progrès que nous fait Sartman là. Voilà, laissez-moi une interview avec Amber Benson et je fais des progrès de malade en anglais. Monsieur Pitou nous dit que c'était sur Netflix Farscape. Ah non, il me semble que ça a été sur Netflix. Il me semble que ça a été sur Netflix. Moi, je sais pas, c'est juste dans mes étagères et dans mes DVD, mais. Voilà. Bon, sinon, vous le trouvez en DVD, évidemment. Mais oui, le bon vieux DVD, excusez-moi. C'est mais... tu les as vus en DVD, d'ailleurs. On a la collection devant nous, là, dans les étagères. Tout à fait, elle est là. Je crois que j'ai tout vu en DVD. En torrent. Riley, Clément, est-ce que vous aviez des sites MFU ou pas du tout? Non, moi, je... Bah non, Angel. Bah si, moi, j'en avais un. Saison 5. J'en avais un, mais tu me l'as squeezé, mais je le dis quand même. M'en fous, mais c'est pas grave, ça sera très, très court. C'est une nouvelle rubrique. Ça sera coupé au montage. En plus, c'est sur Netflix, du coup, donc je suis thématique. C'est Dark Crystal. Ah, mais c'est des marionnettes. Ah oui. Oui, Dark Crystal. Quelle version? Non, voilà, oui, la dernière. Je l'ai pas encore version vu. Netflix. Voilà, la version Netflix. Donc c'est des marionnettes ou pas marionnettes? Évidemment, c'est des marionnettes. Ah c'est ben c'est voilà, t'es en lien, Clément, bien, bravo. D'accord, bah oui, mais. Alors oui, je suis un peu perturbé parce que c'était pas prévu, mais je le dis. Ouais, voilà. Alors c'est une série entièrement mise en scène avec des marionnettes, comme le film original de Jim Henson en 80. 3, si je ne m'abuse, le premier, Dark Crystal. Et donc là, c'est la suite de cette histoire mythologique à souhait avec les Kness. Success. Voilà. Non, mais voilà. Et je trouve que, bah voilà, à l'époque de Netflix, c'est original de faire une série entièrement tournée avec des marionnettes. Et en plus, l'histoire est intéressante. Bon, c'est plus pour les enfants. Ça, voilà, c'est ça le truc. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, c'est ça qui est un peu étonnant. Parce que les premiers épisodes, j'étais là, oh là là, mais c'est hardcore en fait ce qui se passe. Parce qu'il pompe l'énergie des gens avec une espèce de. Une quoi, Clément? Oh là, tu vas beaucoup trop loin, Clément. Fais gaffe. Non, mais. T'es réglissant là, Clément. Alors, en gros, les putain, bah, ça y est, il l'a dit. Je me suis répété. Il a lâché. J'ai répété en plus. Pas encore. Oh putain, tu veux qu'on lance un jingle ou pas? Non. Le nom des méchants, les Xexes. Non, parce que je veux pas parler de ça, je veux parler d'autres marionnettes, moi. D'accord, j'enchaîne. Bref, du coup, voilà, pompe l'énergie. C'est un épisode spécial marionnette. Pompe l'énergie des gens de cette planète. Il leur suce leur vitalité. Ça, il l'a dit, non? Il a n'osé pas le dire depuis tout à l'heure. Il leur pompe leur vitalité, leur identité. Ah. Et je trouve qu'il y a un message sous-caché. En fait, je pense que Netflix pompe l'énergie des artistes. Oh là là. Et ils ne voyaient pas les gestes qu'il fait. Jusqu'à plus soif. Bref. Mais après, alors effectivement, Riley, je te rejoins là-dessus. Au bout d'un moment, ça devient un peu infantilisant et on tombe dans une narration très classique. Bref. C'était cool, j'ai bien aimé. Tu connaissais le film avant? Oui, bah évidemment. Et c'est mieux, le film est mieux que la série quand même? Je vais pas lancer. Non, là c'est un débat. Je sais pas, j'ai pas vu. Je peux pas. Non, c'est un débat trop compliqué. Autre époque, autre production. Autre mœurs. On va faire un gros bisou au chat. Merci le chat. D'accord, c'est déjà fini. Bon, c'est fin d'émission. Vous avez des choses à ajouter, Clément? Oui. Tu veux utiliser quelque chose peut-être, Clément? Moi j'ai un truc à dire. En fait, j'ai un projet. Ah putain. Écoutez, attention. J'ai un projet et bientôt je vais vous en dire plus. La vache. Voilà. Oh là putain, tu veux tout. T'en as trop dit, Clément. J'espère que c'est une nouvelle rubrique. Hein. Alors, oui, Aurélie, tu voulais ajouter? Je voulais juste conclure en disant pourquoi Buffy c'est génial. C'est génial parce que ça parle à toutes les générations, qu'on soit des filles ou des garçons. Et ça, c'est très important. Merci Aurélie, elle a complètement raison. Ça parle un peu à tout le monde. Des gros bisous? Des gros bisous à tous. Des gros bisous au chat. Des gros bisous aux auditeurs. Merci Aurélie d'être venue. C'était Aurélie. Super. Merci beaucoup. Super intéressant. D'être venu. Merci le chat. N'hésitez merci pas. Interagi avec nous. Et oui, n'hésitez pas à commenter si on a dit trop de bêtises ou vous voulez rebondir ou prolonger ce qu'on a dit. N'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast. Ah si, on va faire un. Faut qu'on l'annonce. On fait un apéro. Un apéro pour oui, Comédie. Tout à fait. Alors, le 2 novembre, venez. Et le 5, il y aura double apéro. Double, dispo, vous m'avez dit. On va avoir mal au soif. On l'a dit. Le 2 et le 5 novembre, si vous voulez boire des verres sur Paris. On boit des coups. Bah évidemment. Donc, tu faut faire un événement Facebook ou quoi? On va trouver un bar. Bah ça, tu te débrouilles. Hein. C'est ton initiative. Tu as dit que tu allais partager sur le. Alors, je m'engage à partager des trucs. Il faut que je prépare le truc. Les gars, je vous arrête tout de suite. Oui, ça sera dans un bar. Ah oui, non mais bien sûr. Voilà. Donc c'est chez toi, chez toi Clément peut-être. Ça sera ben, pourquoi pas avec plaisir, mais sauf que ce sera l'after chez toi. Bref, voilà. Bon bref, si vous êtes dans Paris ou sa région, on va aller boire des coups entre fans de Buffy, entre auditeurs du podcast. Donc si ça vous dit, ce sera les 2 et les 5 novembre et de toute façon, on précisera ça sur les réseaux sociaux tout et le Discord. Vous rejoignez-nous sur Discord si c'est pas déjà fait, on rigole beaucoup. Et la bonne nuit à tout le monde. Salut. Salut. Bonne nuit.